Hey Story, will be made. Salut, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'Impact Wrestles. Et ça, ce numéro, messieurs, c'est un numéro spécial Bound for Glory, le pay-per-view TNA qui aura lieu dimanche. Alors, bien évidemment, nous allons faire une grosse preview du show qui aura lieu donc dimanche 14 octobre, dans la nuit donc du 15 octobre, enfin dans la nuit du 14 au 15 octobre de dimanche. Et pour ça, on a beaucoup de monde. Je crois que c'est peut-être un record pour la TNA depuis un petit moment. Et on va passer donc avec la présentation de Brousty. Salut Brousty. Salut tout le monde. Là, tu peux souffler, Gus, c'est bon. Oui, merci, j'ai galéré comme un con. Verpa est là. Bonsoir à tous. Sébastien. Salut tout le monde, ravi d'être présent avec vous. Et nos deux invités, parce que cette fois-ci, ils sont deux, c'est le duo. Le duo Mash & Sport et Mash & Sport Extreme pour la TNA, c'est Grégory Diss et Cillian Varini. Salut messieurs. Ouais, salut à tous, ça me fait plaisir de pouvoir être enfin sur SES Radio. Je suis venu avec mon collègue d'un jour, collègue toujours, Mr. Grégory. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Ben écoute, on va très bien. Alors, est-ce que le son est bon, moi? Parce que je sais que c'est un côté international, là, sur SES, on a un petit peu tous les coins de la France qui sont représentés. Est-ce que vous nous entendez oui, bien? ça passe. Parfait. Parfait. Parfait. Parfait. Alors bon, bien évidemment, messieurs, on va bien évidemment vous parler, vous interviewer quand même, parce que vous êtes venu faire un petit peu de promo. Enfin, vous êtes venu sans faire de promo, mais vous allez en faire quand même. Et bien évidemment, donc, on va parler de Bound for Glory, peut-être un petit débat en fin d'émission sur Jeff Hardy, peut-être. Pourquoi pas, allez, ouais, sur Jeff comme Hardy. Par hasard sur Jeff Hardy. Ouais, ouais, parce que j'ai envie de les critiquer, T'as pas c'est pour ça. ajouté Mickie James sur ton programme? Non, si tu veux, je l'ajouterai dans mon lit, mais ça, c'est autre chose. Alors bon, c'est parti, un petit jingle de Brousty, et on va pouvoir passer à l'interview de Grégory et de Célian. Allez, c'est parti, on va commencer donc cette petite interview. On va essayer de faire une demi-heure grand maximum avec Célian et Grégory Diss. Alors, le programme est diffusé sur ma chaîne sport depuis quand? On va commencer par ça. Alors, on a commencé, je crois, au mois de septembre 2010 sur ma chaîne sport, à l'époque où la chaîne était encore très très Encore confidentielle. Comment? Je crois qu'elle était gratuite encore à l'époque. Elle était gratuite, mais était assez confidentielle. Elle n'était pas diffusée sur tous les providers internet et tout. Donc, c'était encore une chaîne nouvelle qui se cherchait un peu, qui avait un produit d'appel qui était en fait la Ligue 2 de football. C'était ça le sport numéro un de la chaîne. Et ils essayaient en fait de se diversifier. Et c'est vrai que j'ai réussi à les convaincre que la TNA, c'était peut-être un truc sympa à mettre en avant. En plus, c'était encore sur la période où tous les médias s'intéressaient au catch à fond. Mais évidemment, qui dit petite chaîne dit petits moyens. Alors au début, j'étais seul aux commandes et je t'avoue que c'était une période où il se passait énormément de choses à la TNA et c'était assez laborieux de commenter un show avec la TNA tout seul. Donc j'ai quand même tenu bon, réussi à tenir le cap pendant quelques mois. Où ensuite j'ai été épaulé par Grégory qui était mon collègue uniquement sur les pay-per-view au début. Et ensuite on a créé le duo en permanence sur les émissions hebdomadaires. Exactement. Voilà, ça a parti. Déjà, c'était juste une fois par mois, comme il le disait. Le premier qu'on a fait ensemble avec Célian, c'était No Surrender, qui n'était pas le meilleur show d'ailleurs qu'il y a eu à la TNR. Mais voilà, c'était une fois par mois, et puis ensuite c'est devenu une fois par semaine. Et puis comme vous le savez, ensuite sur ma chaîne Sport, on a eu l'opportunité de faire des plateaux d'introduction Oui. de l'émission et de fin d'émission, ce qui, à mon avis, est une bonne chose parce que la TNR, il a tendance à se passer énormément de choses dans une émission, peut-être même un peu trop, plutôt que pas assez. Donc au moins ça permet de cadrer les choses pour les gens qui ont pu rater une émission entre deux et qui reprennent le fil scénaristique. Mais ce qui est bien en tout cas, c'est que Alors. depuis septembre 2010, où la TNA a commencé sur ma chaîne sport, c'est qu'il y a vraiment eu une évolution. Comme tu l'as vu, c'est qu'au début, il n'y avait qu'une seule diffusion. Après, maintenant, on est passé à trois diffusions par semaine, donc il faut vraiment faire exprès pour passer à côté. Les pay-per-view qui sont diffusés sur la chaîne, Grégory qui est venu m'épauler, enfin vraiment, plus les greatest matchs qui sont diffusés sur ma chaîne sport extrême. Donc il y a vraiment une identification, si tu veux, de la marque TNA avec ma chaîne sport qui se crée au fur et à mesure. Alors, moi, justement, je voulais faire un petit revenir sur un débat plateau que j'avais vu. C'était à la période où Jeff Hardy venait de revenir. Alors, vous n'êtes pas du tout scénarisé, par contre, vous n'êtes pas du tout dans le show quand vous êtes sur le plateau. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que j'ai pu voir que Célian avait pu dire ce qu'il pensait de Jeff Hardy à ce moment-là. Bah, on a une liberté totale. C'est vrai qu'il y a encore, c'est une chance et c'est aussi un petit malheur, mais il y a quand même une incompréhension, une méconnaissance du produit catch par tous les gens qui bossent à la télé en France totale. Donc, nous, ça nous arrange bien parce que justement, on a un peu quartier libre, on va dire, hein, sur les plateaux, et ça nous permet un peu de dire, d'avoir le ton qu'on veut déjà et de dire un peu ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que moi, quand j'aime pas un truc, je le dis avec mes mots. Et Grégory, qui a un ton un peu différent du mien, le dit avec les siens. Et ça crée parfois des feux d'artifice assez sympas. Ouais. Et ça nous permet d'accentuer volontairement le trait chacun. C'est-à-dire que Célian peut en rajouter, évidemment, sur certains catcheurs, le but étant quand même dans son rôle de s'en prendre plus particulièrement au face. Et moi, d'essayer justement de les défendre. Donc, tout le côté, je défends Jeff Hardy pendant que Célian le critique. Pareil pour Mickey James. Hein. L'idée, c'est d'avoir deux, trois cibles. Du côté de Célian, en général, les catcheurs les plus populaires, donc forcément Jeff Hardy le plus populaire chez les hommes, Mickey James la plus populaire chez les femmes, et comme ça, l'idée c'est d'essayer de créer des tensions chez les gens qui regardent pour que justement ils se sentent un peu énervés, touchés eux-mêmes. Si par exemple Célian va critiquer Jeff Hardy en traitant de drogué et d'alcoolique, bah voilà, c'est pour que ça fasse mouche, c'est volontaire. Mais tout ça c'est fait aussi naturellement. Moi c'est volontaire, mais je le pense vraiment. Moi. Non, ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, moi si je m'appuie là-dessus, c'est parce que ça a une dose de réalité. Et en plus, ce n'est pas quelque chose qu'on a préparé, Grégory. Moi, tout ça, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai dit ce qui me passait par la tête. J'ai dit les contentieux que j'avais réellement avec certains catcheurs. Et puis, évidemment, tout ça s'est mis en place. Et comme, bon, d'après ce que j'ai compris, tu n'es pas un grand fan de Jeff Hardy toi-même. Pas vraiment, non. je crois que l'un des plus gros haters de Jeff Hardy sur le pays, en France. Comme moi, je suis à l'antenne, c'est vrai. Bon, je t'avoue que Jeff Hardy, il faut quand même le reconnaître, c'est le catcheur le plus populaire à la TNA et de très très loin. Et c'est ce que Grégory met en avant à chaque fois. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on a besoin de Jeff Hardy à la TNA pour cette raison-là, parce que c'est le plus populaire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi qu'il va être dans le main event de Bound for Glory. Ouais, il faut vendre. Si on fait gagner à la Bound for Glory Series par Jeff Hardy, c'est parce que voilà, ça crée de l'audience et les gens, les enfants, les femmes. Enfin, c'est pas la majorité du public de la TNA, hein. Contrairement à d'autres fédérations, c'est plus des hommes jeunes adultes. Mais Jeff Hardy, c'est comme ça, on peut pas se passer de lui, on a besoin de là, lui. Là, c'est une petite période de vache maigre avec Mickey James parce qu'elle apparaît plus très souvent. Ah, de dire le mot maigre avec Mickey James, c'est quand même un peu. Ouais, ça marche bien. Non, mais le truc, c'est qu'il y a un roulement à la TNA. C'est vrai qu'il y a des catcheurs qui vont disparaître pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines parce qu'ils n'ont pas de feud en ce moment. Donc pour l'instant, Mickey James a disparu. Ça va être son tour la prochaine fois. En ce moment, tu as vu, Madison Rayne n'est pas là non plus. Jusqu'à la... Voilà, c'est un roulement, quoi. C'est des catcheurs qui disparaissent pendant quelques mois, on ne sait pas trop pourquoi. Et en effet, ce n'est pas elle qui tient la division féminine en ce moment, mais. Voilà, quoi, chacun son tour. Au final, tu as 5-6 catcheurs qui sont vraiment sur le devant de la scène à la TNA. Et c'est vrai qu'au moins, il y a une vraie coupure entre les 5-6 qu'on va avoir dans les matchs principaux et les autres. Là, tu le vois avec la carte de Bound for Glory, Jeff Hardy contre Austin Harris, pareil Bobby Roode contre James Storm, qui sont les deux plus grands matchs du show. Et puis tout le scénar à côté avec deux As de 8, où ils ont mis en avant Bully Ray, qui est l'autre catcheur qui a connu une année 2012 extraordinaire. Mais sinon, à part tous les mecs que Grégory vient de citer, peut-être encore AJ Styles et Kurt Angle qu'on peut rajouter aussi. Tous les autres, c'est des gars qui vont disparaître pendant 5 semaines, ils vont être remplacés. Là, je vois Gunner a disparu, mais il va revenir peut-être après. Enfin, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et en parlant de catcheurs qui disparaissent, est-ce que vous en savez plus sur la situation de Matt Morgan, qu'on ne voit plus depuis un certain temps maintenant? Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que là, Morgan, ils ont fait un scénar où, tout récemment où Morgan revient doucement à la TNA. Ce qui s'est passé, comme je pense que vous l'avez lu un peu partout, Matt Morgan s'était barré de la TNA officiellement. Je crois qu'il voulait tenter l'aventure à la WWE. Mais pour des raisons non seulement physiques de sa part, mais aussi contractuelles, je crois que je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir le choc, on va dire, d'un rythme WWE quotidien. Donc la seule solution pour lui, c'est de revenir à la TNA. Et là, ils font un scénar où il est en train d'envahir, en gros, pendant les house shows, il vient mettre des... Il vient mettre sa prise de finition sur des arbitres, sur des catcheurs, et il se barre pour le public. En fait, tu sais, ils font un truc un peu genre invasion NWO ouais. style à lui tout seul, quoi. Mais c'est pour ça qu'il a justement. Dit... Justement, je voulais dire quelque chose. Pourquoi faire ça en house show et pas à l'écran directement? Bah, ils l'ont commencé cette semaine. Hein. Ouais, ils ont commencé cette semaine. Voilà, dans le dernier Impact, il y avait Charles en coulisses qui était en train de discuter avec Dilo Brown et qui était en train de lui demander pourquoi Matt Morgan, qui n'a pas catché à la TNA depuis 5 mois, peut arriver dans le ring comme ça et défoncer un arbitre. Donc ils vont le réintroduire très progressivement et dans quelques semaines, on va le voir arriver cette fois dans un impact et défoncer probablement un arbitre ou un catcheur et son perso sera réintroduit comme ça. Mais encore une fois, comme le disait Célian tout à l'heure, c'est pas choquant à la TNA de voir des catcheurs qui disparaissent pendant plusieurs mois. Et moi, je t'avoue que personnellement, ça ne me dérange pas qu'il y ait un tel roulement. Parce que comme ça, ça permet à certains personnages de souffler, au lieu de les user à l'antenne en les montrant toutes les semaines, alors qu'il n'y a plus aucune avancée dans leur personnage. Là, il y a un vrai roulement, et puis bah, ça tourne, et ça permet de voir de nouveaux visages régulièrement. Moi, je connais un peu Grégory, je sais très bien ce qu'il veut dire par là. C'est qu'en gros, il dit qu'à la concurrence, il a un peu l'impression d'avoir toujours les mêmes têtes, une sorte de cercle vicieux quoi, permanent qui ne s'arrête jamais, alors qu'à la TNA, il y a plus de diversité. C'est peut-être ça que tu veux dire. Hein. Exactement. Mais après, je ne dis pas que je critique forcément toujours la WWE, mais je pense que les deux choses ne sont pas vraiment comparables, parce que la WWE, ça s'adresse plus vraiment à un public de jeunes. Le rythme est volontairement lent. Il se passe très peu de choses scénaristiquement dans une émission même de 3 heures, alors que la TNA, c'est vraiment exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à la limite, il va peut-être parfois s'en passer un peu trop, mais ça bouge beaucoup plus dans un show. Dans un show de 90 minutes ou un pay-per-view de 3 heures, il va se passer beaucoup plus de choses qu'à la WWE pendant un mois. Mais c'est un choix de la WWE de faire comme ça. Moi, après, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce choix. C'est vrai qu'au niveau des têtes qui tournent, c'est sûr qu'à la WWE, on voit moins de... ça tourne moins, que ce soit au niveau des main eventers ou même des mid-carters. Mais c'est peut-être un avantage de la TNA qui a essayé de se renforcer avec pas mal de gars venant de l'Indy. Après, évidemment, il y a peut-être quelques petites têtes qui auraient pu apparaître à la TNA, notamment Cesaro. Bon, Brian, ça date quand même un petit peu maintenant, mais si on avait pu voir un Claudio Castagnoli à la TNA, ça aurait pu donner un très bel effet, notamment avec Matt Morgan. C'est vrai, mais d'un autre côté, je pense que la plupart des catcheurs qui sont en dehors des deux grosses fédérations, la plupart souhaitent à tout prix intégrer la WWE d'abord. Et voilà, c'est en gros, s'ils ne sont pas prêts à la WWE, ils se retournent vers la TNA, ou s'ils sont plus au contraire que la WWE, ils se tournent vers la TNA. Et voilà, alors maintenant, tu peux avoir quand même des différences. Quand tu vois des gars comme Bully Ray ou Jeff Hardy, ils sont volontairement partis de la WWE pour construire leur carrière à la TNA et ils ont envie d'y rester. Donc, c'est aussi un choix. Si tu prends quelqu'un comme Bully Ray, tu vois la façon dont il se comporte dans le ring, sa créativité, à chaque fois, comment il arrive à faire évoluer son personnage semaine après semaine. Je pense qu'il est dans un show comme la TNA parce que justement, il est totalement libre de faire ce qu'il veut avec son personnage. Oui, jamais il aurait pu avoir ces opportunités s'il était resté à la WWE. Et même, tu prends des mecs comme Austin Harris, la TNA a quand même réussi à créer des stars, des Bobby Roode, des Cowboy James Storm, des mecs qui n'auraient jamais eu cette opportunité ou alors il l'aurait eu après peut-être 2-3 ans de trou noir à la WWE. Donc, c'est vrai que c'est des choix de carrière. Parfois, les mecs, bon, ils ont pas le choix parce que la WWE, pas d'eux. Mais bon, ils ont des opportunités à la TNA qu'ils n'auraient pas eu ailleurs, ça c'est fabuleux. Alors moi j'ai une question, j'avais pu voir, je vais parler vite fait de WWE avec vous. Vous aviez reçu, enfin Célian avait reçu, pas Célian directement, avait fait une émission spéciale catch dans l'émission, comment c'était quoi déjà, les extrémistes. C'est ça, tu avais reçu Joe Atlas et Tom LaRuffa. Exactement. D'ailleurs, ouais. J'avais pu voir l'émission, très très bonne émission. J'avais dit que je mettrais le lien sur Facebook, j'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, j'ai toujours le lien de disponible, je le mettrai sous peu de temps. Et est-ce qu'il t'avait déjà parlé de ses contacts avec la WWE, Tom LaRuffa, ou alors pas du tout? T'as été surpris comme tout le monde quand il a annoncé ça sur son Facebook? Bah, disons qu'on va dire kayfabe là. Je vais me protéger un petit peu, je peux pas tout révéler. Non mais si tu veux, Tom est un ami de longue date, donc évidemment j'avais déjà quelques petits bruits de couloir, on va dire. Je vais pas tout te dire, mais ouais. Tout ça c'est bien goupillé parce que moi ça faisait longtemps en fait que je voulais faire une spéciale catch dans les extrémistes. C'est une émission hebdomadaire qui passe sur MCS Extrême et qui parle souvent des sports extrêmes. Alors c'est souvent du surf. Des skateurs, des surfeurs, des trucs comme ça. Et moi, ça faisait des mois et des mois que je leur disais, on va faire une spéciale catch. Au début, bien sûr, comme d'habitude, ils ne voulaient pas trop. Jusqu'au jour où j'ai réussi à leur dire, voilà, on a un gars qui est fabuleux, plus un gars qui a un physique incroyable, il faut les mettre en plateau, ça va être génial. Et je pense qu'ils ne l'ont pas regretté parce que c'était une des émissions les plus, on va dire, toniques de la saison. Oui. Et c'était vraiment très sympa. Et puis, on a pu voir ce que Tom avait dans le ventre parce que, voilà quoi, on lui donne un micro, le mec limite si on l'arrêtait pas il continuait de parler pendant des heures et des heures. Il adore parler, il le fait bien et il nous a autant impressionné en plateau qu'il nous avait impressionné pendant l'émission de télé-réalité qu'il avait fait au Canada quoi. D'accord. Est-ce que Bruce Et c'est Lee a une mérité, hein, question? c'est mérité, parce que Ah oui. des Français, franchement, qui ont le physique comme le sien et qui ont autant la passion et qui. Enfin, s'il y en avait un qui devait réussir, ça devait être lui, quoi. C'est clair. Ouais. On l'a vu à. Enfin, au début, On je le l'a vu connais. à World Overt, Au début, c'est lui quand même qui s'est attiré les spotlights sur lui, hein, même si l'émission, il y avait quoi, 10-12 gars, peut-être 12 épisodes. À la Il n'y a que fin, lui qui en on sort. retenait le dernier épisode avec Tom Laroufa. Exactement, ouais. Ouais. Non, non, c'est clair que lui, il a tout de suite compris ce que c'était que l'émission de télé-réalité, qu'il fallait jouer le personnage à fond. Les autres, je crois, ils étaient un petit peu intimidés parce que ça devait être une des premières fois qu'ils passaient à la télé. Alors, ils étaient encore un peu sur le côté, on va rester discret. Alors que lui, au contraire, il a passé la vitesse, il a passé la septième vitesse et il a dit, OK, c'est moi la star et allez vous faire foutre les autres, quoi. Alors, Bruce Lee, une question peut-être pour le duo. Ouais, bah, je voulais savoir en fait ce que vous pensez, honnêtement, hein, sa langue de bois de Hulk Hogan, en fait, sa gestion à TNA, un petit peu ce qu'il y fait, quoi. Alors, Hulk Hogan, c'est pareil. S'il est autant mis en avant dans le show, c'est parce que c'est bon pour les audiences. C'est un peu l'équivalent de Jeff Hardy. Alors, bien entendu, ce n'est pas la même génération, mais c'est pour ça qu'on le voit tout le temps. Si vous voulez analyser ça, vous pouvez regarder tout simplement les audiences par quart d'heure. Vous avez ça sur les sites internet et vous regardez les segments où l'audience grimpe toujours pendant Impact Wrestling. Il y en a toujours trois en général. Il y a quand il y a Jeff Hardy, il y a quand il y a Hulk Hogan et il y a quand il y a Les les femmes. gonzesses, les gonzesses. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que le show est obligé d'incorporer Hulk Hogan autant. Parce que c'est une figure connue, parce que ça reste une méga star et parce qu'il est bon pour les audiences. Après, sincèrement, le fait qu'on le voit aussi souvent dans le show. Bon, on peut discuter. Moi, je trouve que sincèrement, il s'est amélioré par rapport à il y a quelques mois. Je trouve que c'est mieux, que c'est plus cohérent, qu'il a été plutôt bon dans l'ensemble, dans toute l'histoire, tout le scénario avec deux as de 8. Ce qui est bien avec Hogan, c'est quand c'est cadré. S'il commence à partir en impro, nous on le voit dans des pay-per-view quand il faut le traduire en instantané, etc. Il y a des moments, il improvise, on sent que lui-même, il a pas l'air d'avoir Ouais. trop conscience de ce qu'il dit. C'est un peu le problème. Mais sinon, par rapport au côté tonique, au dynamisme qu'il apporte dans le show, l'ensemble est plutôt positif sur Hogan. Mais je pense quand D'accord. même que Hulk Hogan, moi, à titre perso, il est bien à petite dose. Voilà. Je pense que quand on le voit dans 6 ou 7 séquences par émission, c'est Ouais. trop. Et Grégory fait allusion à l'audimat aux États-Unis. Je pense qu'il serait plus efficace, audimatement parlant, on va dire, si on le voyait à plus petite dose. Mais c'était le cas aussi à l'époque où on voyait Eric Bischoff dans 6 segments à la suite. Ça saoulait tout le monde, tu vois. Eric Bischoff, tu le verrais 5 minutes ou 10 minutes par semaine, ce serait génial. Si tu le vois 1 heure par semaine, tu veux T'as t'en envie de débarrasser à frapper. tout jamais. Et c'est pareil avec Hulk Hogan, je pense. Mais maintenant, sincèrement, je préfère voir Hogan toutes les semaines plutôt qu'à Eric Bischoff. Ça, Hein. c'est clair. Voilà. Alors, je vais passer vite fait aux petites réactions qu'on a eues sur Facebook. Enfin, on a eu deux réactions tout à l'heure. Alors, c'est Mathieu Hebo qui dit qui sait qui est le chef des deux As de 8 et il dit que c'est Bully Ray. Et il y a Pierre Orto, par contre, je crois qu'il vous pose une question pour savoir s'il y a un retour d'Abyss possible, car Joseph Parks, il aime pas trop le personnage. Alors, c'est marrant ce que tu me dis par rapport à l'histoire avec Bully Ray, parce que nous, toutes les semaines aussi, on lit un peu les courriers téléspectateurs à l'antenne, où on demande un peu ce que les téléspectateurs pensent, qui sont derrière les deux As de 8, hein, c'est le nom français, enfin, c'est le nom qu'on a utilisé pour Aces and Eights. Et on a eu un peu tout et n'importe quoi, quoi. Les choix, ça va des mecs, il y a des téléspectateurs qui pensent que ça va être des anciens de la ECW, d'autres qui pensent que ça va être Eric Bischoff, Jeff Jarrett, ou des mecs comme ça, même certains qui nous ont dit que ça va être Hulk Hogan, mais il y a beaucoup, évidemment, de gens qui pensent que ça va être Bully Ray. Et en particulier après le scénario de cette semaine au dernier Impact avec Bully Ray qui a été sélectionné pour être le partenaire de Sting pour affronter les deux mecs masqués. Évidemment, pour ceux qui connaissent le catch depuis longtemps, qui connaissent un peu comment ça fonctionne scénaristiquement, ça semble logique que Bully Ray est peut-être derrière le truc. Alors maintenant, tu me dis que ton j'ai oublié son prénom, excuse-moi, mais il dit qu'il sait que c'est Bully Ray. Je pense qu'il le sait. Enfin, il le pense comme tout le monde. Il ne le sait pas à 100%, Et mais il faut jamais oublier que dans le cadre, justement, si un scénario devient trop prévisible, ils peuvent passer à autre chose de complètement différent. Pendant des mois cette année, on était convaincus que le main event de Bound for Glory, ça allait être James Storm contre Bobby Roode. C'était tellement évident qu'ils ont décidé de complètement changer le scénar et de faire un main event entre Austin Aries et Jeff Hardy et de mettre un match entre Roode et Storm sans le titre en jeu. Donc c'est un peu pareil pour l'histoire des deux As de 8. Effectivement, c'est à peu près toujours les mêmes noms qui reviennent sur le tapis, mais du coup, si c'est trop évident, il pourrait essayer de passer à quelque chose de complètement différent. Donc, on verra Bound for Glory. De toute façon, on aura, à mon avis, une bonne partie d'explication pendant cet événement, qui sera diffusé d'ailleurs sur ma chaîne sport le mercredi 7 octobre à 20h30. Voilà, c'est dit. Voilà, voilà, ça c'est fait. On a la chance cette fois-ci d'être diffusé juste 2 jours et demi, enfin 3, ouais, même pas, à, moins de 3 jours avant la diffusion, après la diffusion américaine. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une sacrée exclue pour tous les gens qui ont ma chaîne sport. Toujours en intégralité, évidemment, et en exclusivité sur notre antenne. La deuxième question que tu me posais, c'était par rapport à Joseph Park. Alors là, attention, oui. S'il y en a qui n'aiment pas Joseph Park, je pense que ça va faire bondir de sa chaise Grégory, qui est un grand, grand fan de l'avocat du barreau de Chicago. Oui, mais c'est, et qui peut aussi plaider au barreau français, ce qui est rare pour un avocat. Non, mais c'est vrai que moi, je suis un fan de Joseph Park, mais il y a peut-être un décalage de génération entre ce qu'on peut penser. Bon, moi, j'ai 28 ans, Seignant est un tout petit peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup. Et par rapport à des fans qui, on va dire aujourd'hui, allaient entre 12 et 18 ans, qui n'ont pas les mêmes référents dans le catch, on n'a peut-être pas les mêmes goûts. Moi, je suis beaucoup plus sensible, justement. Je trouve que Joseph Park, ce qu'il fait en ce moment, enfin, le personnage Joseph Park apporte beaucoup plus à ce catcheur que ce qu'il faisait quand il était Abyss ces derniers mois. Pareil pour Bully Ray, je trouve qu'il est absolument incroyable dans tous les shows en ce moment. Mais bon, c'est encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un décalage de génération. Si tes référents catchistiques c'était les années 80, les années 90, tu seras plus attiré par des persos comme Joseph Park, comme Bully Ray. Après, si tes référents catchistiques c'est plus les années 2000, tu comprendras peut-être moins la logique de ce genre de personnage. Maintenant, nous aussi, Grégory et moi, on suit la TNA depuis le début, donc depuis 10 ans. Et si tu veux, du Abyss, on s'en est bouffé pendant 10 ans. Donc Abyss, moi j'aime bien le perso. Mais je t'avoue que c'est un peu comme Kane, tu vois, si tu veux, à un moment, on en a vite fait le tour, et s'ils n'arrivent pas à se renouveler, et ça nous saoule. Là, ils font un truc super avec Kane à la WWE, c'est un des rares trucs bien à la concurrence, mais je t'avoue qu'avant qu'il fasse sa petite histoire avec Daniel Bryan, Kane, c'était, mais avance rapide, automatique, c'était insupportable. C'était des catcheurs que je ne pouvais plus voir en peinture, parce que justement, c'était toujours, toujours pareil, et c'était un peu le même problème avec Abyss. Sur la fin, s'il n'y avait pas un peu un renouvellement ou un renouveau, c'était assez chiant. Ouais. Et c'est vrai que Célian et moi, nous sommes de plus en plus sensibles au côté vraiment personnage, c'est-à-dire au côté un peu psychologique, dramatique, au jeu d'acteur, à la limite plus que ce qui va se passer dans le ring. Et j'en reviens encore une fois à Bully Ray, mais Bully Ray, amusez-vous à le regarder comme ça pendant une émission, regardez le dynamisme qu'il a dans les séquences en coulisses, regardez même son comportement dans le ring. Alors, il est au-dessus du lot. Hein. Il est vraiment au-dessus du lot dans son jeu d'acteur, dans la moindre réaction, dans les phrases qu'il va sortir au milieu d'un match, t'entends les gens au premier rang qui se marrent tellement il est bon. Et ça, c'est vraiment la différence entre ceux, comme on dit, excellents, qui ont tout compris au catch, et les autres. Alors, on a une nouvelle question sur Facebook qui est apparue mardi dernier. Alors, c'est Del Rio El Patron qui vous demande. Alors, attention, c'est long. Hein. J'aurais voulu savoir ce que pensaient Varini et Grégory Dis de la Ring Hacking, cette fédération créée par Jeff Jarrett et produite par la TNA, si je ne me gourre pas. Savoir un peu ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est une sorte de TNA bis peut marcher en Inde? Par la même occasion, vu que Jeff Jarrett est parti gérer la Ring Hacking, s'il pourrait chacun sortir du top 5 des meilleurs matchs de Jarrett à la TNA, merci d'avance. Oula, effectivement, c'est une question, il y a en deux parties. Bah, on va parler de la Ring Hacking, effectivement. Bah, malheureusement, je crois que c'est déjà terminé. Tous les épisodes ont été diffusés en Inde. Ouais. Donc, je ne pense pas que ce soit un truc viable sur le long terme. Comme d'habitude, ils ont fait un audimat fabuleux au début, un peu, et après, ça a baissé semaine après semaine. Le truc, c'est que l'Inde n'avait jamais vu de catch de sa vie. En Inde, il n'y avait jamais eu de catch réellement à la télévision nationale et tout, donc c'est vrai que là ils sont venus avec les grands moyens américains, ils ont mixé ça avec les catcheurs indiens, ça donnait un produit, franchement moi le produit ça me faisait beaucoup rire, j'ai adoré au début, après je t'avoue que ça me saoulait un peu parce que c'était un peu des scénars quoi, à la Vince Russo un peu, qui avaient été vus et revus, mais il y avait un côté très enfantin mais très innocent aussi et très bubblegum qui me plaisait, qui me faisait rire. Mais par contre, je ne suis pas sûr que j'aurais pu tenir sur le long terme, si tu veux, avec Taryn Kakin, même si le côté, la folie à l'état pur, c'est-à-dire avec tout le monde qui dansait, les feux d'artifice, les couleurs, on ne comprenait pas toujours tout, mais c'était quand même assez fun. Par contre, le niveau de catch quand même des catcheurs indiens était assez faible, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu sais, la TNA, en fait, ils essaient de faire des TNA bis parce qu'ils essaient par tous les moyens de se faire de la thune, c'est une histoire d'argent. Alors il y a eu l'aventure Ring Hacking, mais il y a eu aussi l'aventure, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le catch mélangé avec une émission de moteur, de grosses voitures, de grosses bagnoles. Vous avez pas entendu parler? Wheels, quelque chose comme ça, oui. C'était. C'est ça, Bells on Wheels, je ne sais pas quoi. Ouais. Ils ont tourné, ça n'a jamais été diffusé. Mais voilà, c'était, ils essaient de trouver des nouveaux concepts en fait, à essayer de vendre à des émissions, à des chaînes du câble américain ou même de façon internationale, de mixer le produit qu'ils connaissent, c'est-à-dire le catch, avec un truc en plus pour essayer de, voilà, de trouver une accroche, quoi. Et c'est vrai que le fait de procéder comme ça et d'essayer de rendre populaire le catch en Inde, c'était un peu un moyen de suivre la WWE qui fait de plus en plus son business à l'étranger. Il faut être clair, le marché américain, enfin en tout cas au niveau des potentiels téléspectateurs, il est quand même beaucoup plus limité aujourd'hui qu'il était il y a 10 ans. Tu vois comment les audiences de la WWE baissent chaque semaine. La TNA, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un groupe fidèle de téléspectateurs, mais les audiences restent. Ça stagne. Voilà, ça stagne. Et bon, nous, au moins, ça baisse pas, contrairement à la WWE. Mais voilà, après, ils essayent de s'ouvrir de nouveaux marchés, c'est normal. Alors, regarde, la WWE, je crois que maintenant, ils font presque 50% de leur business en dehors de l'Amérique du Nord, donc hors États-Unis, Canada. La TNA essaye de faire la même chose. On verra. C'est vrai qu'il y avait un côté marrant dans cette fédération par le côté un peu enfantin, mais je ne crois pas que ça va perturber la TNA sur le long terme. Si tu regardes le show Impact Wrestling sur l'ensemble de l'année, depuis que Vince Russo est parti, sincèrement, ça va quand même beaucoup mieux au niveau des scénarios et on a un show qui est bien meilleur que ce qui pouvait être à la TNA il y a encore un an ou un an et demi. Et l'autre question que vous posiez, c'était par rapport à Jeff Jarrett. Ça, il voulait savoir les meilleurs combats de Jeff Jarrett à la... Oui. Alors, s'ils pourraient chacun sortir le top 5 des meilleurs matchs de Jarrett à la TNA. Moi, je vais t'en sortir 3 d'un coup. Je vais t'en sortir 3 d'un coup. C'était sa feud contre Kurt Angle. Voilà. Oui. Il y avait eu 3 combats. Enfin, il y avait eu une démonstration, un faux match de MMA qu'ils avaient fait qui était super fun. Il y avait évidemment, c'était à Genesis, ça. Ensuite, il y a eu le match Against All Odds contre Kurt Angle aussi. Ensuite, il y a eu le match final contre Kurt Angle à Lockdown. Donc, toute l'année 2011, si tu veux, les 6 premiers mois de l'année 2011, avait été rythmé par cette feud entre Jarrett et Kurt Angle, qui était non seulement fabuleuse, bon, les combats étaient 5 étoiles, mais aussi parce qu'il y avait Karen. Et Karen, Angle, Jarrett, franchement, elle, c'est, pour moi, c'est, elle est incroyable dans tout ce qu'elle fait, et je regrette qu'on ne la voit plus en ce moment, parce que franchement, c'était du bonheur en barre. Oui, et c'est la même chose pour moi. Plutôt que de répondre pour des matchs, j'aurais répondu pour une feud. Et pareil, c'est la feud avec Kurt Angle qui m'a le plus marqué. Et Jeff Jarrett, c'est pareil, pendant les premières années de la TNA, on le voyait beaucoup, il avait tout le temps la ceinture, etc. Il y a un moment, ça commençait à devenir saoulant. Et là, dans cette feud avec Kurt Angle et avec Karen Jarrett, il a su complètement renouveler son personnage, devenir drôle. Voilà, on a eu un nouveau Jarrett. Et c'est vrai que moi, plus que les matchs qui étaient déjà super, j'ai adoré toutes les séquences où tu voyais Jeff et Karen à la maison avec les enfants de Kurt. C'était vraiment à hurler de rire. C'était super. Et c'était surprenant parce que c'est vrai que Jarrett, c'était tout à fait le genre de mec dont je parlais tout à l'heure, comme les Eric Bischoff, comme les Hulk Hogan. C'était des mecs qu'on voyait trop souvent et qui nous saoulaient. Et que des mecs comme ça réussissent à se renouveler. Et un peu comme Kane est en train de le faire en ce moment, un peu comme Bully Ray est en train de le faire, un peu comme Sting est en train de le faire, des mecs qui, après 20 ans de carrière, réussissent à se renouveler et à redevenir fabuleux, ça, c'est vraiment génial. Sting, c'est exactement ça. Je veux dire, avant qu'il lance son perso de Joker il y a un an, c'était fatigant de le voir toutes les semaines. Et voilà, il a commencé à être super au micro, à devenir super drôle dans les séquences backstage. Et on a eu l'impression de voir un nouveau Sting, alors que le gars, quand même, il n'est pas tout jeune. Et pour revenir sur la petite feud, la grosse feud, c'était en 2008, Jeff Jarrett contre Kurt Angle. D'ailleurs, il y a le match avec... Il y en a eu plusieurs. Moi, je te parle de celle de 2011, celle qui a duré le plus longtemps. C'était la dernière. La dernière. Moi, je me rappelle, on a vu 3 matchs. La dernière, c'est entre les deux. Ouais. Il y avait 2009 aussi, me semble. Ah, parce qu'il y a le match de MMA et il est repassé dans l'un des tout premiers épisodes de TNA Greatest Matches sur MCS Extreme. Est-ce que c'est celui-là? Exact. Que Verpa, tu suis régulièrement, pour ceux qui ne savent pas, MCS Extreme, c'est la petite sœur hein, de ma chaîne sport, qui diffuse donc des sports extrêmes, comme son nom l'indique, et il y a pas mal de catch dessus. Alors, on a diffusé au fil des mois la CMLL, donc du catch mexicain, le Lucha Libre, on a diffusé aussi Wrestlicious, on a diffusé Wrestlicious pour les fans. Mythique. Mythique, ouais, du catch féminin assez fun. En fait. Et puis aussi des TNA Greatest Matches, qui sont une sorte de compilation des meilleurs combats du passé de l'histoire de la TNA. C'est un peu l'équivalent de la Vintage Collection sauce TNA, quoi. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a eu un spécial Jeff Jarrett où le combat avait été diffusé. Un spécial sur la feud, si je me souviens bien. Ouais. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est l'un des tout premiers épisodes, mais ça fait quoi, 3-4 mois maintenant que c'est diffusé TNA Greatest Matches? Oh, je dirais un peu plus longtemps, parce que 3-4 mois, c'était avant l'été, donc ça a dû commencer, je pense... Mois de mai, peut-être. Ouais, un truc comme ça, peut-être, ouais. Mais pendant l'été, là, on n'en a pas diffusé. On va reprendre ça très, très bientôt. Donc, surveillez vos téléhoraires, comme disait Raymond Rougeau. Sébastien, qui a une question sur la durée d'impact. Alors oui, parce que moi je suis plutôt partisan de prolonger Impact à 3 heures, parce que je pense que ça aurait plusieurs avantages, notamment montrer plus de catcheurs à l'antenne, proposer des matchs plus longs ou encore développer des storylines. Et je pense que ce serait une bonne chose pour la TNA. Et quel est votre avis là-dessus? Alors Attends, attends, je vais laisser t'es Grégory pour? répondre, mais en tout cas, T'es c'est pour clair alors que que t'as vu ce qu'on est en train de nous faire avec Raw là? et je viens d'entendre la réponse aussi. Et J'ai pas entendu la réponse, on voit, mais. alors, je crois que c'est, je sais pas si c'est Gus qui a dit ça, mais tu vois ce qu'ils sont en train de nous faire avec Raw. Justement, s'il y avait à choisir Oh. entre mettre 3 heures à Raw ou à Impact, j'aurais préféré qu'ils mettent Impact à 3 heures. Mais ils ont fait le mauvais choix, à mon avis. Hein. Ouais, voilà. Alors, mais écoute, sincèrement, le fait de faire passer Impact en 3 heures, je sais pas si c'est une très bonne idée parce que ce que les gens comprennent pas trop, c'est que quand tu passes un show en 3 heures, tu perds énormément de rythme. Et tu regardes à chaque fois que c'est arrivé dans l'histoire du catch, quand Nitro, la WCW à l'époque, ils avaient fait passer le show en 3 heures, ils avaient perdu énormément de rythme par rapport au format de 2 heures. Regarde ce qui se passe avec Raw aujourd'hui. Moi, je tiens à préciser qu'à l'antenne, parfois, on s'amuse à critiquer la concurrence, surtout moi, mais c'est à moitié pour plaisanter. Mais moi, qui suis un très grand fan de la WWE des années 80 et 90, je suis vraiment atterré de voir le format de Raw en 3 heures parce qu'il n'y a plus aucun rythme, il ne se passe plus rien. Et en gros, ce qu'ils ont fait Surtout. en passant Raw de 2 en 3 heures, c'est que la séquence d'ouverture où tu as un mec qui parle au micro, c'est passé de 15 à 25 minutes. Des matchs qui duraient avant 6 minutes, maintenant ils durent 18 minutes et il ne se passe rien de plus. Et si à Impact Wrestling, tu faisais passer le show en 3 heures, je pense que malheureusement, on perdrait du rythme. Faut pas oublier qu'à Impact, il y a encore quelques années, c'était un show d'une heure. Hein, c'est passé en 2 heures, je crois que c'était en fin 2007. Hein. Donc moi, ça me semblerait être une mauvaise idée, mais c'est juste mon opinion de faire passer Impact en 3 heures. En fait, je pense que la seule possibilité, si Impact passait en 3 heures, ou en tout cas plus de 2 heures, c'est tout simplement de garder la même émission et de la rythmer mieux. Parce que le problème Ouais. d'Impact principal, Ça va trop c'est vite. que ça va trop vite. On n'a pas le temps de respirer. Ils font en fait une émission de 4 heures et ils la condensent en 2 heures. Et parfois, si tu veux, pour des mecs qui suivent pas trop les scénarios, qui regardent une fois de temps en temps et tout, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une sorte de. T'as l'impression que les mecs ils sont sous acide, tu vois. On n'a même pas le temps, le match il n'est pas encore fini. Tu as déjà 5 séquences en coulisses avec 25 personnes qui se parlent en même temps. Donc c'est vrai que parfois ça peut être assez, comment dire, prenant, quoi. Donc si Impact passait en plus long, ce qui serait, moi, peut-être pas aux yeux de Grégory, mais en tout cas pour moi, ce serait un truc positif, mais de garder la même. De changer le rythme, mais de garder le même contenu, en fait. D'accord. Alors, juste une petite, on va finir, je pense, l'interview là-dessus. Après, on va pouvoir passer à l'analyse de la carte de Bound for Glory, enfin de ce qui reste, enfin de ce qu'on a plutôt. Une question alors sur vos parcours, sur vos différents parcours de commentateurs. Vous avez commencé par quoi? Alors, je sais que Célian commente tous les deux. D'ailleurs, vous commentez sur Eurosport 2 maintenant, ou Ouais, que ça a été transféré sur Eurosport 2. en fait, je commente avec Marc régulièrement et c'est vrai que Coucou Grégory vient. Marc. Comment? Coucou Marc. Marc Coucou à Chavez lui. Dis qu'on un a coucou reçu à dans une Marc émission. qu'on a reçu et à moi. Eh bah, ben, coucou à lui, effectivement. Et c'est vrai que Grégory nous remplace soit Marc, soit moi quand on est absent, on va dire. Quand on est en affectation spéciale. En mission très spéciale, comme le disait Raymond Rougeot à l'époque. Désolé, on fait référence à Raymond Rougeot et à Guilloré, mais c'est nos modèles de commentateurs de catch en France. Voilà, c'est. Bah, Bah, nos parcours respectifs, c'est très simple, hein. Moi, je commente le catch sur Eurosport depuis 2005, je crois. Au fil des années, j'ai eu pas mal d'expérience sur différentes chaînes, que ce soit Direct 8, W9, C'est TF6, vrai que. Gong même, Extreme Sports Channel, enfin Orange Sport. Enfin, j'ai bossé vraiment sur une tonne de chaînes sur différents sports, parce que je ne commente pas que du catch, mais avec principalement les sports de combat, que ce soit la boxe, la boxe thaï ou le kickboxing. Et Grégory, c'est un ami en fait. Hein. Grégory, c'est un ami de longue date. Ça doit faire 15 ans que je le connais. Et quand en fait MCS a commencé à diffuser la TNA, j'ai proposé à ce que Grégory vienne m'épauler. Alors au début, ils étaient un petit peu réticents, c'est sûr, parce qu'ils disent voilà, c'est qui? Il veut mettre ses potes. Le mec a jamais fait de télévision. Il sait peut-être pas s'exprimer et tout. Mais bon, évidemment, j'allais pas leur proposer un clown. Si je voulais me faire épauler par Grégory, c'est parce que je savais qu'il allait être bon, et effectivement, il a été bon dès la première fois. Notre duo a bien fonctionné, et depuis, il est resté. Et je crois que c'est maintenant un duo qui marche. Et ce qui est assez marrant, en fait, c'est que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, commenter de catch, c'est facile, moi, je pourrais le faire sans problème. Mais j'ai commenté du catch avec peut-être, sans déconner, peut-être 20 personnes différentes, sur des DVD, sur Eurosport, enfin, sur des trucs comme ça. Et je vais dire 95% des gens, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que le catch, c'est vraiment des règles. Dans le commentaire, il y a un rythme qu'il faut connaître, il y a des connaissances qu'il faut avoir. Et c'est facile de dire sur Internet, moi ceci, moi cela, mais je peux dire qu'une fois que quand tu as la lumière rouge qui est allumée et que tu as le micro devant la bouche et qu'il faut y aller, en général, tout le monde s'écroule. Et Grégory, je savais que lui, il n'aurait pas peur, il les ferait bien et ça fonctionne depuis le début. Oui, je pense que c'est important ça, parce qu'avec Célian, on a une approche du catch, de ce que doit être un show de catch, qui est très similaire. Et du coup, quand je suis à l'antenne avec lui, bah voilà, il va dire quelque chose, je sais exactement ce qu'il attend comme réponse de ma part et vice-versa. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment tout le temps de faire le ping-pong, que ce soit pendant les plateaux où il n'y a pas de temps mort ou que ce soit pendant les missions où on se renvoie la balle en permanence, chacun dans notre personnage. Célian jouant le rôle du commentateur heel et moi celui du commentateur face. Oui, en parlant de début, sur un des tout premiers Mondocatch, j'ai une petite question notamment pour Greg 10, l'un des tout premiers Mondocatch. Alors, Verpa, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Sur l'un des tout premiers Mondocatch, j'avais une petite question pour Greg 10. Bon, les Mondocatch, une petite collection. Très confidentiel même, on peut dire. Maintenant, même pour les trouver via Planet Catch, c'est assez compliqué. Mais je croyais me souvenir que Greg avait commenté un petit best-of Jeff Hardy, genre 2003-2004, peut-être quelque chose comme ça, lors de son petit départ pour la TNA. Et je crois me souvenir que dans ce programme, on t'appelait Grégory Vini. Alors, je sais pas, j'ai une petite question, ça m'a toujours turlupiné. Pourquoi le nom était-il différent entre la période MCS et ce petit essai? Je pense que c'est le premier enregistrement, non? Eh ben écoute, Verpa, malheureusement, c'est une erreur, parce que Grégory n'a jamais commandé de Mondocatch avec moi. Ah, je croyais. Non, ça devait être quelqu'un d'autre, parce que les Mondocatch, j'en ai commenté quelques-uns avec Christophe, Agius. Ouais. J'en ai commenté quelques-uns avec Marc. Et Grégory, non, n'a... Je crois pas, hein, Grégory. Non, Best of Jeff Hardy, parce que je me souviens qu'il y en a eu deux de sortie. Il y en a eu un avec Christophe Agius et le second. Il me semble bien que c'est la même voix. Ah oui, exact. J'ai été chercher loin. Oui, exact. J'en avais fait un et l'autre, Célian l'avait fait avec Christophe. C'est ça. Exact. D'accord. Tu vois, j'avais fait le premier et Célian et Christophe avaient fait le deuxième. On travaille un peu à Wrestle Radio avant les émissions quand même. Et alors, je crois que ça date de 2009, l'enregistrement. Ça devait être genre en avril 2009. C'était au tout début. J'avais déjà remplacé Célian une ou deux fois sur Eurosport. Mais il y en avait juste eu un ou deux, en fait. Donc, c'est pour ça que ça ne me disait plus rien. Mais oui, exact. Tu as raison. Ouais, bah, effectivement, on avait oublié, tu vois. Mais par contre, juste une question. Tu dis qu'il s'appelait Grégory Vini. Oui. C'était écrit à l'écran, ou c'était où je lui parlais comme ça? Je l'ai réécouté plusieurs fois, parce que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps pour bien être sûr. Et oui, au tout début, ce qui est sûr, c'est que 10, ça n'apparaît pas. Hein. En tout cas, il y a un nom de famille en I qui apparaît. Donc, je sais pas pourquoi. Ça a toujours été une question. Pourtant, je ne vois pas. Non, mais c'était peut-être fait exprès aussi au début, parce que j'avais pas forcément spécialement envie de mettre mon vrai nom à l'antenne. Enfin, ou sur un DVD. Attends, 10, c'est quoi. Ton vrai nom. C'est un peu cher. C'était le tout début. En fait, le vrai nom, on a commencé à l'utiliser quand j'ai commencé à faire des émissions sur les pay-per-views sur ma chaîne sport avec Célian en 2010. Non, mais je vais te dire un truc, Verpa, c'est qu'en fait, c'est son idole, c'est Michael Cole. Et c'est que... Tu sais que Michael Cole, c'est pas son vrai nom non plus. Donc... Ah non, je déteste Michael Cole. Il voulait prendre un pseudo comme son nom. Ah, au moins à Raw, il y a JBL qui est revenu les dernières fois. Au moins, ça vaut le coup de regarder Raw pour écouter JBL aux commentaires. En anglais. En anglais, qui est absolument génial. Voilà. JBL qui est quand même allé nous ressortir la période de top 14 de Cesaro à l'époque. Hein. Il est reparti très très loin. Exactement. Donc bravo pour la référence. En tout cas, tu vois, moi-même, ça me disait plus rien. Mais maintenant que tu me dis, je me souviens très bien, j'ai une réminiscence proustienne. C'est le premier souvenir de Grégory 10. Mais j'aime bien écouter les différents commentateurs, même avec Célian Varini. Avec le nombre de partenaires différents, il faudrait peut-être une heure le temps de tous les lister. Il y a vraiment... Je dois te faire un aveu. En fait, je ne m'écoute pas. Ou très rarement. C'est-à-dire que souvent, Célian est là en train de me dire « Regarde l'émission, etc. » Mais moi, j'ai beaucoup d'autres activités à côté qui ne sont pas du tout liées au monde journalistique. Et donc, en fait, je m'écoute assez peu. J'adore le faire en live parce que j'ai la même passion que Célian pour le catch. On adore ça. C'est la passion de notre vie. C'est l'amour de notre vie. Mais c'est vrai qu'à la limite, ce qui m'excite, c'est de le faire avec lui et pas forcément de m'écouter ou de me réécouter ensuite. D'accord. Je voulais savoir une petite question qui me passe par la tête, qu'on demande à tout le monde. Est-ce que vous avez été contacté déjà par NT1 pour faire un remplacement d'Ajus Tsuchiro? Non, moi jamais. Non, mais de toute façon, je crois qu'il y a, à mon avis, ils veulent un peu séparer à fond le côté, tu sais, le fait qu'on soit la voix de la concurrence, ça ne va pas leur faire très plaisir non plus. Donc je pense pas qu'il y ait de possibilité là-dessus, non, ça c'est sûr. D'accord. Ben écoutez, je pense que l'interview a... Je crois que Grégory aime bien parler, tu sais, que The Bound for Glory, tu vas nous rappeler encore une fois la diffusion, Grégory. Ouais, mercredi 17 octobre à 20h30 sur ma chaîne sport. Voilà. Faut avoir Machine Sport par contre. Ça coûte pas cher. Ah bah oui, bah, tout le monde peut l'avoir, c'est disponible partout. Alors Machine Sport, c'était, tu sais que c'était, c'est assez marrant parce que les gens ils disent ouais on n'a pas Machine Sport, mais enfin c'est quand même gratuit sur pas mal de providers et c'est genre 99 centimes sur deux ou trois autres, donc vraiment. Ah oui, c'est vraiment pas cher en effet. Non, il y a juste, je crois que chez Orange et chez ou c'est dans un bouquet sport à la con où ça coûte super cher. Ouais, chez SFR ça coûte cher. Chez SFR aussi peut-être, ouais voilà, mais sinon voilà moi je. Et il faut pas oublier que Machine Sport c'est une chaîne jeune. Hein, c'est une création de Numericable, c'est assez récent, donc il faut voir que c'est, voilà, ça a 5 ans quoi, Machine Sport en gros. Donc il faut aussi regarder la chaîne dans cette perspective-là, c'est une chaîne qui grandit doucement mais sûrement. Je vous le cache pas, on a des petites surprises dans le futur, donc l'exposition de Machine Sport va certainement être décuplée dans les mois à venir, mais comme Grégory vient de le dire, c'est une chaîne jeune, on a commencé avec Machine Sport, après il y a eu Machine Sport Extrême, après il y a eu Machine Sport Bien-être, qui est une chaîne plutôt féminine avec du yoga et du fitness, ce genre de choses, nutrition. Maintenant il y a Machine Sport Tennis. Qui va être créé à la rentrée, pas la rentrée 2013. Donc tu vois, ça grandit, ça grossit. Donc il y a des choses positives dans le futur. Surtout concernant les pay-per-view, au tout début c'était en vidéo à la demande, même je crois qu'il fallait commander. Et puis maintenant c'est devenu un rendez-vous mensuel à surtout ne pas rater en direct et à une heure de grande écoute sur MCS. Je te remercie de le dire, c'est vrai qu'on essaye. On essaye tant bien que mal de trouver des créneaux pour diffuser l'événement à des horaires sympas. Et c'est un peu difficile parce que, comme je t'ai dit, il y a toujours priorité à des directs de football ou ce genre de choses. Mais on a de la chance et on réussit à trouver du prime time pour les pay-per-view. Et on est écouté parce que l'émission marche bien. C'est l'une de celles qui marche le mieux sur ma chaîne sport. Ouais, justement, je voulais vous demander au niveau des audiences si ça se passait bien. Parce qu'à mon avis, vous êtes limite devenu, je crois, un des programmes phares de la chaîne, hein, c'est ça? Bah en gros, maintenant, je t'ai dit, les premières années, c'était la Ligue 2, le programme phare de la chaîne. Après, il y a eu la période NBA, où c'est vrai que Machine Sport diffusait, je crois, 3 ou 4 matchs de NBA par jour, et ça va être le cas encore bientôt. Maintenant, c'est vrai que c'est le foot portugais qui est un petit peu le fer de lance. Ça peut paraître bizarre, mais il y a quand même une grosse communauté portugaise en France. Et c'est vrai que c'est toujours un des trucs qui cartonne le plus sur la chaîne. Et le catch qui a réussi à trouver sa place. Alors, on n'a pas des chiffres à donner exacts, mais on a juste des courbes, si tu veux. Et c'est vrai qu'ils sont toujours très, très contents, que ce soit la TNA, ils sont contents. Et puis aussi, ce qui est le plus important, c'est que Machine Sport soit content et continue l'aventure. Ça fait déjà plus de 2 ans. Ouais. Et ça continue encore, donc pourvu que ça dure. Une dernière question, après on pourra passer à Bound for Glory. Est-ce que ça vous trottine par la tête commenter un pay-per-view TNA en live? Vous êtes dans votre studio, vous avez l'écran, c'est diffusé en direct. Alors on commente les pay-per-view en live, hein, une fois par mois à dimanche. Non, mais que ce soit diffusé même en live, que ce soit juste oui. Non, je pensais que tu avec voulais l'effet dire de diffusion. Oui. Enfin moi, je t'avoue que c'est moi le rêve principal, c'est de le commenter sur place. Exactement. À la limite, qu'il soit diffusé en live, c'est vrai que ça pourrait être sympa, mais bon, comme il y a toujours ce décalage par rapport aux diffusions hebdomadaires, oui, après tu refais une rediff. Non, je suis d'accord, mais après, tu sais que c'est des histoires à mon avis, c'est des histoires de droit. Je pense que ça, c'est plutôt des histoires contractuelles entre la TNA et la diffusion européenne. Donc ça, malheureusement, c'est pas des choses que nous on contrôle, mais c'est vrai que ça pourrait être plus sympa pour les téléspectateurs, et j'espère qu'il y en aurait quelques-uns qui resteraient jusqu'à 5h du matin. Ouais. Mais voilà. Mais c'est vrai que nous, personnellement, pour moi, essayons sur un plan personnel, c'est quand même une expérience extraordinaire d'être les premiers, en fait, en France, à pouvoir commenter en direct des pay-per-view de catch. C'est quelque chose d'incroyable de pouvoir vivre au même rythme que les gens qui regardent ça aux États-Unis, un pay-per-view, et d'avoir nous aussi des surprises au moment où on commente, parce que voilà, il y a une spontanéité, il y a une véracité dans nos réactions qui est unique parce qu'on commente en direct. Et parfois ça peut être un peu casse-gueule, parce que comme je t'ai dit, comme Grégory le dit, on commente tout en direct, donc on traduit tout en direct, et certains interviews ou certains scénarios sont parfois difficiles à décrypter en direct quand tu n'as pas Mike Tenney ou Taz pour te tenir par la main et t'expliquer tout ça, quoi. Donc c'est du sans filet, quoi. Voilà, écoutez, merci. C'est limite si on peut vous applaudir, parce que vous avez fait quand même une prestation vraiment extraordinaire durant l'interview, quasiment pas de blanc. On vous remercie déjà d'avoir accepté d'avoir accepté l'invitation. Tu rigoles, ça nous fait plaisir. C'était avec grand plaisir, merci à vous. C'est pas fini. C'est pas fini. Sincère, de politesse profonde, hein. C'était pas genre merci, allez, on arrête. Exactement. Allez, bon, on va passer un petit jingle avec le thème song de Bound for Glory. Je n'ai pas le nom en tête. Et c'est parti, on va pouvoir parler de TNA, messieurs. Allez, c'est parti. I'm gonna hit you right where it hurts. I'm gonna give you everything that you deserve. If you need attention, something to say, let's hear your confession. I am just too hard to break. Bring it, bring it. I'm still right here undefeated. Say whatever you want, we don't mean anything. Bring it, bring it. If there's no fear, let me see it. There is nothing you got, it will ever get to me. Ça y est, messieurs, on va pouvoir s'attaquer donc à Bound for Glory, donc le premier match sur lequel nous allons s'attaquer. On va s'attaquer sur les knockouts, hein. on va pas faire non plus une demi-heure sur les knockouts. Et donc ça sera pour le match pour le titre entre Miss Tastemaker et Tara. Je sais pas si on dit Tastemaker ou Tastemaker. Tastemaker. Tastemaker, d'accord. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc messieurs, donc un avis sur le build-up du match, puis un pronostic après. Bah, le build-up, c'est très simple. Hein. Ils font un scénar entre Tara et Tastemaker qui étaient en équipe auparavant. Tara, c'est la vétérane qui a tout appris à Tastemaker. Et en gros, voilà, c'est l'élève à dépasser la professeure. Et la professeure n'est pas contente, donc elle s'est retournée contre l'élève. Donc elles sont devenues, c'était les meilleures amies, maintenant c'est les pires ennemies. Et à mon avis, mon pronostic à moi, c'est que Tara prend la ceinture et ensuite va feuder avec Gail Kim. Exactement. Comme on parlait tout à l'heure d'un roulement qu'il y a fréquemment à la TNA dans les différentes catégories, et c'est surtout vrai chez les femmes. Donc Miss Tastemaker, elle a eu un règne qui de quelques mois, et je pense aussi que Tara va remporter la ceinture à Bound for Glory. Elle n'avait pas perdu le titre il n'y a pas longtemps, Tastemaker, puis elle avait récupéré le show d'après. Elle a récupéré le show d'après. Et donc voilà, bon, elle a quand même progressé dans le ring. Miss Tastemaker, elle catch mieux qu'il y a plusieurs mois. Mais c'est vrai que bon, moi, personnellement, par rapport à ses qualités dans le ring et à son personnage, je préférais voir Tara avec la ceinture. C'est quand même plus solide, même si je critique pas trop Miss Tastemaker qui fait ce qu'elle peut pour faire des progrès. D'accord. Sébastien. Ce qui est dommage dans cette affiche, c'est que moi, ça me fait pas rêver quand même. Hein. Dans le roster, tu as Gail Kim, tu as Mickie James encore, par exemple. C'est des noms reconnus dans le monde du catch. Mais là, tu vois Tastemaker contre Tara, ça fait un petit peu… Alors, Tara, elle est aussi quand même vraiment connue, même plus connue, je pense, que Gail Kim, dans l'esprit du public américain, tout simplement parce qu'elle a été plus longtemps à la WWE. Donc effectivement, Tara, ça c'est une bonne chose. Après, le fait de mettre Miss Tastemaker, justement, c'est, je pense, ça fait partie un peu d'une stratégie de la TNA, de mixer des figures reconnues avec des catcheurs plus jeunes. Tu vois, c'est un peu comme le main event de Bound for Glory, où tu mets Jeff Hardy, qui est de loin la figure la plus connue à la TNA, avec Austin Harris, qui est surtout connu des fans des anciens de la Ring of Honor ou de la TNA. Donc je pense que c'est volontaire de la part de la TNA de faire une affiche mixte star ancienne et star nouvelle. Ouais, et puis en plus, le roster, je t'avoue, féminin de la TNA, il est quand même assez limité, quoi. Elles sont quoi? Elles sont 6-7, pas plus. C'est ça. Et donc c'est le fameux roulement dont on parlait. Il y a eu la période Madison Rayne pendant tout l'été. Après, il y a eu la période, évidemment, Miss Tastemaker qui a pris le relais. Donc c'est chacun son tour, quoi. Sarita manque quand même. Hein. Je sais pas si un retour à la TNA. Sarita et un retour à la TNA, à mon avis, ça me semble. Sarita et Rosita, ce serait bien qu'on les voit. C'est vrai qu'elles ont un peu disparu de la surface terrestre depuis maintenant plusieurs mois. Oui, elles étaient parties lors d'un show avec une star de la télévision américaine en laissant en plan Hernandez à ce moment-là, mais on ne les a pas revues depuis. Donc je crois que ça fait 3 mois. Ça fait partie des mystères de la TNA. T'as des personnes comme ça, on les voit tout le temps pendant 3 mois, ensuite tu ne les vois plus tout pendant 3 mois. Puis t'as ces personnes qui reviennent ensuite de nouveau pendant 3 mois et puis qui disparaissent à nouveau. Voilà. Et Brousty. Ben, moi, je me demande, bon, mais je suis d'accord que Tara va être championne, à mon avis, mais je me demande s'il ne va pas y avoir un double truc comme Sam Kyrie-Kyong et ODB sont encore champions knockout par équipe. De Benoît. Ouais. Mais je me demande si Tara va pas faire apparaître son petit copain, là. Je ne sais pas trop, là, cette histoire. Ah, ça, oui, Alors, ça, c'est vrai que c'est une possibilité. D'un autre côté, il faut garder en tête qu'à Bound for Glory, il y a déjà un gros scénar où il va y avoir plein de surprises, c'est le scénar avec 2 As de 8. Donc du coup, moi je suis pas convaincu de ça. Je pense plutôt qu'ils vont concentrer tout ce qui est scénar, intervention, nouveau perso pour le match 2 As de 8 contre Sting et Bully Ray, et que les autres matchs que tu vas avoir dans la soirée, ça va être des matchs à la régulière dans le ring. Donc à mon avis, ils vont essayer de limiter les surprises et de les concentrer en tout cas pour Bound for Glory sur le match 2 As de 8 et Sting contre Bully Ray. Et excuse-moi, pardon, 2 As de 8 contre Sting et Bully Ray. Ouais, non, mais c'est vrai que. Alors, mais je sais pas, peut-être que ce sera envisagé après. Ça peut être un pronostic intéressant d'ailleurs de savoir qui va être le petit ami de Tara. C'est qui cette star hollywoodienne? Moi, j'en sais rien. David Otunga. Ouais. Oh, ben Robbie. Ah, Robbie. C'est non, bah, ah, moi, Eric Young, évidemment. Eric Young, être... voilà. Ah, ouais, c'est... Pourquoi ça devrait être un mec? C'est une bonne question. Mais c'est vrai que le scénar une femme amoureuse d'une autre femme, on l'a déjà, déjà été vu. Depuis la SCW à l'époque, qui a été la première à le faire dans les années 90. Mais là, plus récemment, entre Winter et Angelina Love, c'est vrai qu'il y a eu ça. Voilà, ça a duré longtemps. Un peu trop longtemps. Le plus célèbre couple lesbien, comme dirait Seyon. Lesbien raisonnable. Ouais, même si Tara et Tess McCurr, elles se roulaient des galoches avant, mais. Trop lors bien. De leurs entrées c'est à l'époque où elles étaient les plus. Non, mais il aurait fallu que je regarde Athènes à ce moment-là, moi. Mais... Ouais, c'était plus ambigu. C'est pas des galoches. C'était pas des galoches. Des petits bisous. Voilà. Hein, l'amitié, quoi. Entre bonnes copines. Ah, d'accord. Allez, on va passer au pronostic. Mais vous, honneur aux invités. Pronostic. Tara. Sébastien. Tara. Sti. Tara. Et vers toi. Tu as changé un petit peu, Tess McCurr. Ah, voilà, quand même, parce que j'allais dire, si tout le monde, si on était 7 à avoir dit Tara, on aurait l'air malin hein, si jamais c'était Tess McCurr. Je vais dire Tara. Tess McCurr est sur une bonne lancée, donc je pense que c'est son moment. Autant qu'elle en profite, après on verra si elle arrive à tenir jusqu'à Bound for Glory et puis même à suivre après. Mais pour l'instant. Si elle ne tient pas jusqu'à Bound for Glory, faut le faire exprès parce que là c'est dans 3 jours. On peut y aller. On sait jamais, hein. Ah, c'est vrai qu'il y a un impact ce soir, il peut se passer. Il n'y a pas de dark match à Bound for Glory pour perdre le titre avant le show, non. C'est pas possible. Non, il n'y a pas de choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose WWE qu'ils ont mis avec. L'émission sur Facebook, YouTube, etc. Mais non, à la TNA, il n'y a pas ça. Allez, donc je propose qu'on passe à la suite, messieurs. Ouais. On va passer donc au match entre Al Snow et Joey Ryan. Yeah, ça, c'est bien. Et d'ailleurs, si vous écoutez notre émission, vous remarquerez que c'est un des points d'accord entre moi et Célian. Joey Ryan, il était bien meilleur que tous les autres membres du Gut Check. Alors, peut-être pour ceux qui écoutent votre émission, qui ne savent pas trop ce que c'est le Gut Check, c'est une fois par mois un pack wrestling depuis le printemps. Vous avez un catcheur qui est extérieur à la TNA, qui a la possibilité de catcher dans le ring et de décrocher un contrat si jamais il est jugé suffisamment bon. Et ce qui était assez injuste depuis le début, c'est que tous les mecs qui étaient mauvais ou moyens dans le ring, ils les ont signés sous contrat. Et le seul qui était de loin le meilleur, c'était Joey Ryan. Et c'est le seul qui avait été refusé. C'était assez ironique. Ils ont fait tout un scénar autour de ça. Et puis bon, au final, Joey Ryan a sa chance. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans le ring. À mon avis, ça va être pas top comme match en qualité. Mais scénaristiquement, c'est un des matchs qui m'intéresse le plus, moi. Moi aussi. Oui. Parce que Joey Ryan, c'est vraiment… j'ai eu la chance de le voir à plusieurs reprises en live. Et c'est vraiment un catcheur super fun qui joue bien avec le public, qui est vraiment cool. Et s'il gagne contre Al Snow, il est normalement à la TNA de façon définitive. Et si c'est le cas, c'est vraiment un mec que j'ai envie de voir toutes les semaines et ça ne me dérangerait pas qu'il soit là pour de bon. D'accord. Brusty. Bah oui, pareil, parce que c'est vrai que Joey Ryan, je connais aussi du circuit indépendant, il a quand même pas mal de qualité, et puis il a quand même un style assez divertissant aussi. C'est vrai que c'était bien scénarisé depuis un moment, cette histoire, parce que parmi tous ceux qui sont passés, clairement, c'était le seul qui aurait dû être retenu, parce que les autres, déjà, je pense que les shows, Sam Shaw, voilà, Alex Silva, ils vont avoir du mal quand même à percer à TNA, à mon avis. J'avais vu Silva après, par la suite. Non, en fait, tous les mecs qui ont gagné, ils ont été envoyés à la OVW. C'était le cas aussi de Taylor Hendricks, la meuf qui a gagné 40 ans. Ouais, là-bas, le champion par équipe, ouais. Voilà, donc c'est un petit peu la destination finale pour tous les mecs qui gagnent les Gut Check, c'est la OVW maintenant. Il y avait le gars aussi de 18 ans là, avec un nom incompréhensible, un nom. Evan Markopoulos, mais lui il a pas été pris. Markopoulos, pour la première fois, c'est bien. Il m'avait fait bonne impression, lui. Bah ouais, mais il était pas mal. Il était bien, ouais. Il sera très bon dans quelques années, lui, il sera super. On en parlera dans 2 ans, ouais. Sébastien. Moi, je ne suis pas très emballé, contrairement à vous, par ce match, parce que c'est quand même Al Snow qu'on n'a plus vu dans le ring depuis des années maintenant, et Joey Ryan qu'on a vu une fois catcher dans le ring. Donc, je ne suis pas certain que cette affiche ait forcément sa place dans le plus gros show de l'année. Non, ce que je te dis, c'est qu'à mon avis, qualitativement, je suis d'accord avec toi, ça va être moyen. Ça va... Le match ne sera pas très long. Ils vont faire un match assez court, à mon avis. Ouais. Joey Ryan, Al Snow, ça durera 5 minutes. Alors, pour les spécialistes, Al Snow, on l'a vu catcher récemment. mais pas à la TNA. On l'a vu catcher au show de, au revival de la ECW qui avait été organisé par Shane Douglas là, juste avant l'été. Et c'était absolument abominable. Il était gros, le match était pourri, c'était un des pires matchs de la soirée. Le show aussi était particulièrement mauvais. Le show en lui-même était particulièrement mauvais, même ouais. Toute la longueur. C'est vrai. Mais lui en particulier, et donc j'espère qu'il a repris un petit peu la forme pendant l'été et qu'il va nous offrir un spectacle un peu correct à Bound for Glory. Alors, un pronostic sur le combat des moustachus. Les deux invités, tiens, Di Severini. Joey Ryan aussi. Verpa. Joey Ryan aussi. Boosty. Joey Ryan grâce à une aide de Bruce Pritchard. Sébastien. Voilà. Il y en a qui cherchent à prolonger le scénar, c'est bien. J'aime. Bah, ouais. Victoire obligatoire de Joey Ryan. Bah, je dirais Al Snow, parce qu'il faut dire Al Snow. Oh non. Alors, on va passer donc au match suivant, le match pour le titre par équipe. Alors, c'est un triple threat match. Alors, les champions Kazarian et Daniels vont affronter AJ Styles et Kurt Angle et Guerrero et Hernandez. Alors, messieurs, là, par contre, c'est un des matchs qui a été annoncé le plus tôt. Et on va donner la parole. Je ne sais plus qui c'est qui allait parler. Je crois que c'est Célian, je crois, mais je ne suis pas sûr. Peu importe, mais c'est vrai que ce combat, c'est celui qui a été annoncé en premier, c'est peut-être celui qui nous fait le plus bander, quoi. Qualitativement, je pense que tout à l'heure, tu as parlé de Joey Ryan, Al Snow, je pense que ça ne va pas être top dans le ring. Là, ce match avec les six catchers, ça va être, à mon avis, du 5 étoiles. Donc là, c'est vraiment, s'il y a match qu'il ne faut pas rater, c'est bien celui-là. Ouais, et c'est là que tu vois que la carte de Bound for Glory, elle est vraiment divisée en deux. Tu as les matchs qui vont durer pas plus d'une dizaine de minutes, Joey Ryan, Al Snow, Tarat et Smacker. Et tu as les matchs qui vont être longs, qui vont durer 20 minutes au plus. Et je pense que le combat de championnat par équipe fera partie de ces matchs super. Et en plus, ce qui est génial dans ce match, c'est qu'il peut vraiment tout se passer. C'est très, très difficile de pronostiquer ce qu'ils vont faire avec la ceinture. Ils peuvent très bien continuer à caser Deniez, l'affiler aux Mexicains ou au contraire, la redonner à Styles et Angle. Mais je pense que si vous avez eu la chance de regarder les pay-per-view cette année de la TNA, ça a toujours été… Je crois qu'ils ont fait du Christopher Daniels, Kazarian contre AJ Styles et Kurt Angle à plusieurs reprises. Et ça a toujours été les meilleurs matchs. Ils l'ont fait à Slammiversary, je crois. Et je ne sais plus quel était l'autre pay-per-view, mais c'était… No Surrender, c'était absolument incroyable. Donc là, ils ont rajouté un Chavo Guerrero qui est en plus… qui a un petit peu une renaissance depuis qu'il est à TNA. Un Hernandez qui peut apporter un petit truc en plus, même si c'est peut-être le moins bon dans le ring. Et c'est impossible que ce match-là soit pas bon. Sauf si les mecs se cassent la jambe en arrivant au ring, mais sinon, ça va être le meilleur match de la soirée, c'est sûr. D'accord. Sébastien. Bruce, vas-y. C'est vrai qu'il y a quand même une constante. C'est vrai que sur les différents matchs en pay-per-view en 2012, les matchs par équipe ont rarement déçu. Même à l'époque où il y avait Samoa Joe et Magnus qui étaient champions, c'était pas mal aussi. Donc, attention, en face, il y avait Matt Morgan et Crimson. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais bon, au moins, l'équipe Samoa Joe-Magnus a redonné du tonus, on va dire. Voilà. Ça sauvait l'affaire, on va dire. En plus, la rime, c'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des matchs attendus. Hein, bon, après, le fait qu'il y ait trois équipes, c'est un peu un fourre-tout légèrement facile, très prévisible, mais bah, qui donne pas mal d'incertitudes. J'avoue que le vainqueur, je le visualise pas très bien. Ouais, là, tu dis que c'est un fourre-tout, mais il faut bien que tout le monde ait sa place. C'est Bound for Glory, donc c'est normal que toutes les stars, il faut qu'elles soient mises en avant et qu'elles aient un match. Moi, mon pronostic, je vais dire que Daniels et Kazarian conservent leur titre. Mais comme Grégory disait, ça peut aller dans tous les sens. Ouais. Mais moi, je dis Daniels et Kazarian. Et moi, je vais pronostiquer Chavo et Hernandez. Moi, je vais pronostiquer pareil, Chavo et Hernandez. Sébastien. Moi, je miserais aussi sur Chavo et Hernandez, mais je suis quand même un petit peu surpris de voir que Angle et AJ Styles sont encore dans la division par équipe à ce moment-là de leur carrière. Pour moi, ça aurait dû être un court passage. Avant de donner la parole à Bruce Lee, il faut que AJ Styles récupère un titre et vite, quoi. Ça devient plus possible, ça doit faire bientôt 2-3 ans qu'il n'a pas touché au titre de champion du monde poids lourd et ça fait vraiment si, une en 2011 il était quand même. Bah, mais attends, il a été champion champion télé, s'il te plaît. Il était par équipe aussi il y a, ouais, il y a non pas mais il a pas non mais je te parle d'un vrai titre solo, un titre de champion du monde, sa vraie place, le main event. Ben justement, donc ça impliquerait que là il gagnerait pas, quoi. Voilà. Ben oui, justement. Avec Kurt Angle aussi, qui est quand même une individualité, donc moi je ne mets pas gagnant ces deux-là. Donc à choisir, je mettrai Daniel et Kazarian. D'accord. Allez, donc on va pouvoir passer au match suivant. C'est le match donc justement pour le titre télé entre Samoa Joe et Magnus. Alors, c'est peut-être pas la peine qu'on en parle des heures, celui-là, parce qu'il a été juste signé la semaine dernière. Je crois que c'est vraiment un combat fourre-tout entre Joe et Magnus qui faisait équipe au début de l'année, mais il n'y a pas vraiment de la feud. Elle a un peu traîné, elle a commencé, puis elle a été avortée. Je ne sais pas si ça vaut la peine qu'on en débatte pendant des heures. Moi, je pense que ce sera peut-être le match d'ouverture de Bound for Glory d'ailleurs. J'avais pensé à Al Snow contre Joey Ryan comme opener. Moi je pense vraiment, on verra, tu as peut-être raison, mais moi je vois Joe et Magnus en ouverture, un match de 10 minutes où Joe gagne assez facilement. À mon avis, ça va être ça pour lancer le show avec Samoa Joe et tout de suite qu'il y a un haut niveau de catch. Moi je vois Joe vainqueur aussi. Ouais, Joe vainqueur aussi. Oh, je sais pas, moi je vois l'ex-division plutôt en opener. Hein, mais bon. Ouais, mais il n'y a pas de division. C'est vrai qu'il n'y a pas de match encore. Je me demande si on peut rajouter quand même. Ça sera rajouté ce soir, à mon avis. Jim Mayon contre Douglas Williams contre Sanjay Dutt. Ils vont rajouter Jim Mayon contre Garrett Bischoff. Oula, c'est vrai qu'on a échappé à Garrett Bischoff. Contre Kenny King, j'espère. Ouais. Ah, c'est vrai, lui est toujours à TNA au bordel. C'est vrai que la gestion de roster à chaque fois, moi, il me trouble. Kenny King a disparu, c'est bien ce qu'on disait. C'est les mecs qui disparaissent. Oui, il a fait un match de pay-per-view et puis après, c'est vrai que. Disparu. Si, on l'a vu à Impact aussi. Il a fait un match retour contre à Impact, mais. Ah ouais, tellement rapide que je n'ai pas fait gaffe, moi. Donc, non, mais c'est vrai que. Ouais, Samoa Joe, facile. Champion télé, ça, c'est évident. Ouais. Joe devrait conserver son titre. C'est vrai que Joe conservera son titre assez logiquement. C'est une bonne manière de lancer le show, en tout cas, avec une star établie. Comme ça, on a un petit match, en plus pour un titre mineur. Comme ça, il y a un combat pour quelque chose. Puis Samoa Joe, il est quand même pas mal aimé du public de l'Impact Zone et même des fans qui sont sur Internet. Donc, c'est une valeur qui plaît à peu près à tout le monde. Un petit match court, c'est idéal pour le début. Belle affiche de milieu de carte. Ouais, par contre, en parlant de stars, justement, les deux mecs que Joe il a battus pour la ceinture, c'est-à-dire Mr. Anderson et Rob Van Damme, n'ont pas de match quand même. Ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas de match, mais je pense que vous avez tous vu le scénario du dernier Impact, c'est-à-dire que Mr. Anderson, il avait été sélectionné par Hogan pour être le coéquipier de Sting à Bound for Glory, et finalement, on a vu que Anderson s'est fait défoncer par les gars de 2 As de 8. Donc, Anderson, à mon avis, on ne verra pas à Bound for Glory, et Rob Van Damme, il y sera pas non plus, je pense. Sincèrement. Ouais, c'est pas vraiment une grosse perte vu la qualité de ring de Rob Van Damme depuis qu'il est à TNA, c'est pas non plus exceptionnel. Un peu dur quand même. Non, mais c'est pas faux. C'est vrai que Rob Van Damme, il met pas la gomme dans ses matchs, il est assez tranquille alors qu'il pourrait en faire plus. Hein. Je crois que Rob Van Damme, il est en pré-retraite un peu. Hein. En vacances prolongées. Ah oui, c'est ça. Hein. Il fait des matchs parce qu'il a envie de continuer, toucher son pactole et. Je sais même pas s'il en a encore quelque chose à faire des fans quoi. Si quand même, il tient d'ailleurs une. Oui non mais pas autant qu'avant. Catch pour le public français. Mais Rob Van Damme, oui, il est clairement sur la pente descendante. Mais petit à petit, il se fait des petits combats en indie aussi. Il commence à décliner un petit peu. Mais bon, pour l'instant, le voir encore, ça permet de faire plaisir à quelques fans. Kurt Angle a beau avoir un petit peu plus de mal, peut-être dans ses déplacements et tout ça, ça reste quand même une valeur assez plaisante à voir. Donc, s'il n'y avait plus de vétérans dans le ring, ça serait problématique pour la prochaine génération. Et d'ailleurs, si on avait posé une petite question l'année dernière, qui aurait-on vu dans la carte de Bound for Glory, on aurait peut-être dit Crimson. Et d'ailleurs, Crimson, là, il est complètement. Crimson, il est plat, ouais. Depuis cet été, il est complètement absent, alors que l'année dernière, il était. Presque en haut d'affiche. Il n'est pas champion OVW, enfin il n'est pas à la OVW. C'est ça, oui, que j'allais dire. En ce moment, la OVW, il a pris le titre à Johnny Spade. Avec Robity, il est. C'est vrai que non, mais le problème, c'est Crimson. Moi, franchement, je l'aime bien parce qu'il a un super physique, il a un bon look, il a une bonne gueule et tout. Mais c'est vrai que dans le ring, c'était pas ça. Dans le ring, c'était pas ça. Et donc, ils ont essayé de faire une sorte de mini-scénar à la Goldberg avec lui. C'est ça. Oui. Mais ça n'a pas marché. Et donc, là, ils s'en sont aperçus trop tard. Mm-hmm. Et depuis qu'il a perdu contre James Storm, en fait, il a plus ou moins disparu lui aussi de la surface. Et j'espère qu'il reviendra meilleur qu'avant. On a encore plus ou moins un test avec Ryback, avec une série d'invincibilité. On ne sait pas comment ça va se finir. Ouais, mais ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, t'as vu que le public il commence à réagir. Quoi. C'est limite une star. C'est limite devenu la star numéro 1 au niveau des réactions, qui a limite plus de réactions positives que ce qu'avait CM Punk à une certaine époque. Eh ben tant mieux, parce que moi je suis un fan du Silverback depuis Tough Enough. Je sais que Grégory est un grand fan aussi de Skip Sheffield. Skip Sheffield. Le Skip Sheffield de la Nexus était juste extraordinaire. Avec Regal qui était son mentor et Pépé pour les deux. C'était à hurler de rire. Avec Regal, c'était. De toute façon, je vais dire, NXT, la première saison, c'était la meilleure émission qu'il y a eu à la WWE ces 10 dernières années. La première saison de NXT avec Brian et Jericho, avec Regal et Skip Sheffield, etc., c'était extraordinaire. Alors, restons sur Marc. On parlera WWE une fois, si vous voulez venir dans le podcast WWE, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Allez, c'est parti, donc on va donc passer au prochain match, le second match tag team de la soirée, hein, donc entre les deux As de 8 et Sting et Bully Ray. Là, à mon avis, c'est le match donc, qui déterminera qui sera le chef de clan, qui fera partie du gang, à mon avis aussi, parce qu'on va, à mon avis, des masques vont tomber. Absolument, ouais. Il y a des masques qui vont tomber. On voit qu'ils ont prolongé le scénario pour que ça tienne jusqu'à Bound for Glory, mais on voit que ça a traîné un petit peu en longueur ces 3-4 dernières semaines. Et donc là, évidemment, on va avoir la révélation, peut-être pas de l'ensemble du groupe, de la composition. Non, pas d'ensemble, mais des masques. Voilà, mais au moins, on va savoir qui est le leader et peut-être un ou deux gars qui sont avec le leader. Et je pense qu'au fil. On a vu les deux qui. On aura la composition totale du groupe. Moi, je suis même pas sûr qu'on va avoir des gens démasqués. Je pense que évidemment, les deux As de 8 vont gagner le match. Mais moi, je vois un truc plutôt un Bully Ray qui met Sting KO par erreur ou un truc comme ça. Genre qui lui dit j'ai pas fait exprès. Et puis c'est plutôt à Impact que ça va être révélé que c'est lui le leader. C'est vrai. C'est une possibilité parce qu'en fait, aux États-Unis, les Impact marchent beaucoup mieux que les pay-per-view. Donc ils ont tendance à garder les grosses révélations, les gros scénars pour les Impact plus que pour les pay-per-view. Mais en même temps, Bound for Glory, c'est le show de l'année. Pour qu'il y ait quelque chose de marquant historiquement, ils peuvent quand même nous révéler le patron des deux As de 8. On verra. Mais évidemment, Sting et Bully Ray vont perdre contre les deux As de 8. Ah oui, non, ça c'est cool d'avance. D'autant qu'ils ont spoilé quand même, parce que l'affiche du pay-per-view qui suit, c'est Turning Point. C'est quoi ce Turning Point? Voilà, merci. ça met quand même les deux As de 8 à l'affiche. C'est un des désavantages de prévoir à l'avance. Alors, ce qui est quand même mieux à la TNA, c'est qu'au moins ils savent où ils vont, pas comme à la WWE où ils changent de scénario toutes les semaines. Mais c'est vrai que bon, là, ça spoil un peu que le scénar Aces and Eights va continuer encore un mois au minimum. Ouais. La question, qui sont les sbires qui accompagnent le clan des Aces? Alors des moi, Aces and Eights, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Internet, on lit un peu de tout. Alors hein. Moi, je vois. Il y en a deux, c'est quand même évident. Moi, je vois Luke Gallows et Briscoe. Luke Gallows revient assez souvent. Moi, je vois Luke Gallows et Abyss. Dernièrement, j'avais même lu sur Garwick qu'il y avait Mike Knox. Alors, Mike Knox, il était à moitié en dépression. Il avait fait un match l'année dernière, il revenait de nulle part. Et là, comme par hasard, il reviendrait. Donc, c'est bien au conditionnel. C'est impossible, et tout récemment, il a lutté là, dans la fédération de Tommy Dreamer. Donc, Oui, mais tu sais que les mecs qui sont sous les masques en fait, des deux As de 8 depuis le début du scénar, ce ne sera pas forcément eux qui, à la fin, vont être démasqués. Ouais. Les semaines, en gros, ils ont pris. Effectivement, il y avait. Wes Briscoe, il est toujours. C'est vrai que Luke Gallows, il y est toujours aussi. Mais les autres, à mon avis, ça va être décidé. Soit c'est déjà décidé, mais ce n'est pas forcément eux qui ont fait le scénario avant, tu vois ce que je veux dire. Et justement, la révélation des membres de 2S de 8, ça va être un moyen, à mon avis, de réintroduire un certain nombre de catcheurs qu'on n'a pas vu à la TNA depuis plusieurs mois. Non, mais on pense à Matt Morgan, évidemment. On pense à Abyss, évidemment. On pense à Bully Ray, évidemment. Tu vois tous ces mecs-là. Et peut-être d'autres qui ont un peu disparu. Hein. Garrett Bischoff. Ouais, bien sûr. The best wrestler in the world. Non, c'est triste à dire, mais ouais. Ah, d'ailleurs, attends, juste... Juste une chose, parce que ça, vous ne l'avez pas vu, comme vous ne regardez pas sur Machine Sport, mais récemment, on a eu un combat bonus sur MCS qui n'avait pas été diffusé aux États-Unis. C'était un combat d'explosion, en fait, qu'ils nous ont envoyé entre Christopher Daniels et Garrett Bischoff. Et Grégory et moi, on a dû s'arrêter pendant le commentaire, tellement on était morts de rien, parce que Garrett Bischoff, est catastrophique dans le ring. Et il a mis une série de coups de poing en fait à Christopher Daniels qui était tellement mauvaise qu'on a dû s'arrêter pour rigoler quoi. Et on a dû reprendre après. Je vais vous dire ce que j'ai fait moi l'année dernière parce qu'on a chaque début d'année on fait des awards. Alors, on fait des awards et il y avait le rookie de l'année. J'ai dit que c'était Garrett Bischoff. Parce qu'il s'appelle Bischoff, il est trop fort. D'accord. Voilà. Il s'appelle Bischoff, alors il doit être bon. C'est l'amour du catch qui parle. Voilà, exactement. Allez, donc un pronostic, donc messieurs, donc Sébastien sur le match De victoire de Sting et Bully Ray, qui sera bien sûr révélé comme le leader au vu de l'exposition dont il a fait l'objet à Impact. Il a battu Austin Aries, il a battu Jeff Hardy, donc c'est sûr pour moi qu'il sera le leader. Et il a battu les deux en même temps. Ouais, c'est pas faux. À toi, tu vois Sting et Bully Ray s'imposer. Non, et c'est The Nice. Ah oui, t'as dit Sting et Bully Ray, oui. Au contraire, personne ne voit Sting et Bully Ray gagner, a priori. Oui. Ça serait une énorme surprise. L'intérêt principal de ce scénar, c'est justement, comme tu le disais à l'instant, de mettre Bully Ray en avant, parce que c'est un catcheur qui, de mon point de vue, mérite d'avoir un règne de champion du monde poids lourd. Et j'espère que dans un futur proche, peut-être en tant que leader de 2 As de 8, il pourra récupérer le titre mondial, Bully Ray, parce qu'il le mérite vraiment pour l'ensemble de son année 2012. Non, ouais. On est d'accord, c'est vrai. Même 2011, là, depuis qu'il est tout seul, c'est vrai. Oui, depuis qu'il est tout seul. Ouais. Puis la fin de son association avec Devon, c'est plutôt pas mal, Bouliré. Bruce, si pronostic, il y a donc. Aces and Eights. Voilà, ah, je l'ai enfin dit. Di Severini. Bah évidemment, Aces and Eights. Verpa, donc pareil, Aces and Eights. Et moi, je vais dire pareil, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense dans ce match. Donc passons donc au match suivant. On va passer au Street Fight Match entre Bobby Roode et James Storm. Cette sera arbitrée par King Mo, messieurs. Alors, spécial enforcer. King Mo, bah c'est tout simplement parce que enfin Bellator, mais ça c'est donc on est bien mieux que moi. Et voilà, Spike TV, Bellator, la TNA, donc du coup, on a tout regroupé autour de King Mo, et c'est un moyen de faire la promotion du Bellator en même temps. Non, mais vous avez vu la photo de l'affiche quand ils annoncent le match? King Mo, c'est Devon sur la photo. Le sosie de Devon. Ouais, bah, d'accord. Ils ont peut-être pris Devon, il lui emmène une couronne. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais écoute, moi, King Mo, je le connais depuis longtemps parce que j'avais commenté même sur Eurosport 2 à l'époque, un truc qui s'appelle le Real Pro Wrestling. C'était une émission de lutte, en fait. Et c'était une des stars de cette émission. Et donc, moi, c'est marrant de le voir maintenant, quelques années après, dans une émission de catch que je commente. Il y a un côté un peu fun. Et puis, évidemment, j'avais suivi sa carrière au Strike Force et ça me semble assez logique. Maintenant, c'est vrai que je trouve que peut-être que c'est un peu trop rapide. Le public américain ne le connaît pas encore assez bien et ils essaient de nous le vendre un peu comme le Messi, quoi, la superstar internationale, alors que c'est pas encore le cas, quoi. Et puis tu le vois dans le scénar qu'ils font, ça rappelle un peu la façon dont la WWE avait introduit Ken Shamrock à l'époque en 97, quand il était le justicier spécial enforcer dans le match entre Austin et Bret Hart à Mania 13. Bah, ils essayent un peu de faire le même genre de scénar, c'est-à-dire que c'est toujours pareil quand tu as un combattant qui vient de l'extérieur, qui vient du MMA, ils essayent de l'introduire de cette façon-là, comme ils sont en train de le faire avec King Mo. Voilà. Si l'intérêt, c'est que pour un très grand pay-per-view, d'avoir une personne extérieure qui fasse spécial guest enforcer, c'est un petit peu ce qu'on voit notamment à la WWE avec les apparitions de Menounos, on ressort les légendes à WrestleMania, ça permet de donner à Bound for Glory un petit aspect spécial, parce que King Mo, on l'aurait peut-être pas vu si c'était No Surrender ou si c'était, allez, peut-être pas Lockdown, parce que ça reste quand même un pay-per-view secondaire mais assez important, mais si c'était par exemple Turning Point, on aurait peut-être pas vu King Mo. Donc faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est vraiment pour marquer le coup, donc ça permet de renforcer aussi le prestige de Bound for Glory. Ouais, mais de toute façon, Bound for Glory, c'est un peu le WrestleMania de la TNA, donc c'est clair que, souviens-toi, à l'époque, il y avait toujours des stars, même si c'était des stars de second couteau, mais il y avait toujours des célébrités qui venaient à WrestleMania. Même là, tu mentionnes celle des années récemment, que ce soit avec Maria Menounos ou Snooki qui catch, mais moi je te parle même des années avant, quoi, vraiment au début des années 90, tu avais du Donny Wahlberg ou du Chuck Norris, non, qui était venu à Survivor Series. En fait, tu vois, tu avais des acteurs et trucs comme ça. Ben là, c'est pareil avec King Mo, c'est un truc en plus, c'est une sorte de cerise sur le gâteau, quoi. Mais tu vois, en tout cas, pour en revenir au match en lui-même entre Bobby Roode et James Storm, il faut quand même féliciter ces deux gars-là parce que ça fait un an que ça dure leur rivalité dans le scénario. Et franchement, dans le catch d'aujourd'hui, avec la multiplication des shows, des émissions, des combats, faire tenir une feud pendant un an, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là que tu vois l'immense talent de Bobby Roode et James Storm, qui ont réussi à tenir un scénar de 12 mois qui va se terminer avec leur match à Bound for Glory. Et alors les pronostics, maintenant, ça va être un peu difficile, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Allez, c'est vous qui démarrez. Et justement, pour mon prono, moi, tu viens de dire que tu penses que la feud va s'arrêter à Bound for Glory, mais moi, j'ai l'impression que ça va continuer parce que j'imagine que King Mo va se retourner sur James Storm et faire gagner Bobby Roode. Ça, c'est moi, je ressens comme ça. Idem, pareil. Moi, je dirais le même résultat, ouais. Alors, si c'est le cas, Moi, alors, si c'est le cas, franchement, James Ça Storm, serait c'est tuer la vraiment rivalité. bizarre de tweet. Parce que le mec aura été battu, il n'aura pas eu sa chance au titre mondial, il aura été battu par Bobby Roode par le passé. Enfin, je pense pas. Enfin, franchement, Cowboy et James Storm, s'il perd encore une fois, c'est pour moi, ça reste une merde, quoi. Donc, il a Ouais. intérêt à gagner, quoi. Je comprends ce que vous venez de dire par rapport à King Mo qui pourrait se retourner contre James Storm. Effectivement, quand on regarde le dernier impact où il a poussé Bobby Roode et où il a trinqué à la bière dans le ring avec James Storm, ça paraît un peu trop évident. On se dit qu'il va se retourner contre lui. Maintenant, effectivement, ça n'aurait aucun Ils veulent nous sens faire une Mike scénaristiquement. Tyson en fait à l'époque. Ouais, mais ça n'aurait aucun sens scénaristiquement de faire perdre James Storm. Pour conclure la feud, c'est le face qui doit gagner. Storm, il avait perdu contre Roode à Lockdown. Maintenant, c'est à lui de gagner. Donc, vraiment, je pense que heureusement, les scénaristes de la TNA en ce moment ont plutôt tendance à être cohérents. Donc, vraiment, je pense que James Storm va remporter ce match. Ouais, surtout que si tu vois la carte complète de Bound for Glory, pour l'instant, on est quand même très très pro face. Très très très très pro heel, pardon. Donc il faudrait quand même qu'il y ait une face ou deux qui gagne. Et je pense que James Storm remporte le combat, moi aussi. Ouais. Mon pari, c'est James Storm. Pareil, James Storm. 10. Donc James Storm aussi pour Grégory 10, James hein, il me Storm, semble. ouais, James Storm, Ouais. bien sûr. Brusty James Storm aussi, je pense. Non, j'avais dit Bobby Roode comme Bobby Sébastien. Roode, d'accord. Sébastien Bobby Roode, et bien moi je dirais le barbu de service, James Storm également, parce que ouais, il mérite un peu de reconnaissance, le bonhomme. Bon, messieurs, on va passer au main event de la soirée, le match pour le TNA World Va être Heavyweight assez énervante. Championship. Et c'est là qu'on va enfin pouvoir avoir un vrai débat. Austin Harris, le champion du monde poids lourd contre Jeff Hardy. Alors, au niveau du build-up, messieurs, de ce combat, quelque chose de Sébastien. Ouais, vas-y, Seigneur. Ouais, d'accord, c'est Grégory, mais en fait, C'est juste Grégory. par rapport à ce que tu disais sur la construction de ce match, alors ça n'a pas été exceptionnel parce que justement, ce qui était prévu, je pense, il y a encore 3 mois par la TNA, c'était de faire un main event entre James Storm et Bobby Roode avec la ceinture en jeu. Et ils ont complètement changé les plans avant Destination X pour justement que ça crée un peu de la surprise et que ça crée du suspense dans la Bound for Glory Series. Donc, du coup, ils ont filé la ceinture à Austin Aries, ce qui était une très bonne chose. Franchement, c'est super de voir Austin Aries champion de la TNA. Et bon, voilà, t'as le nouveau, t'as Jeff Hardy qui est le mec le plus populaire. Après, au niveau de la construction en elle-même, tu vois que Austin Aries, il joue un peu plus ou moins le personnage du heel en ce moment, en étant le mec jaloux de Jeff Hardy pour la nécessité du scénario. Brusty. Ben ouais, non, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que ils ont fait, enfin moi je trouve que c'est un parallèle entre guillemets entre le, enfin c'est pas exactement pareil, mais bon, disons que on est Je CM crois qu'on a Punk pour perdu Brusty. affronter John Cena. Oui, Gus, d'accord. Ouais, non, mais ça fait un petit blanc, t'avais perdu pendant 30, enfin, pendant Il y a une 57 petite secondes. coupure à Moi, j'ai l'enregistrement, j'ai l'impression. entendu. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais reprendre alors. Je disais. Bah, à mon avis, il y a un petit parallèle avec la WWE dans le sens où ils ont fait tourner CM Punk pour affronter John Cena, quoi. En gros, le face. J'ai l'impression qu'ils font un peu le même mécanisme avec à TNA, avec Austin Harris. Comme Jeff Hardy, ça doit être le super face, autant faire de Austin Harris le mec d'un coup qui s'énerve après avoir été le mec de valeur il y a encore peu de temps. Quand il a pris le titre et puis une partie de son règne, quoi. Voilà, mais la différence ici, c'est que ça va peut-être pas durer dans le temps. C'est-à-dire qu'Austin Harris, il est plus ou moins le heel dans cette feud, mais c'est pas dit après qu'il soit heel. Moi, je pense qu'il va redevenir face Ouais. dès qu'il aura terminé sa feud avec Jeff Hardy. Je sais pas, je crains quand même parce que moi déjà je vois Jeff Hardy vainqueur. Alors à partir de là, je vois Austin Harris tourner heel. Ça fait un Alors peu justement, peur. vos pronostics, ça c'est intéressant aussi parce que c'est pas forcément facile. Je sais que Grégory et moi, on a souvent eu le. On a pensé les deux résultats possibles. Donc aujourd'hui, que tu penses quoi, Grégory? Moi, je pense que c'est Austin Harris qui va garder la ceinture. Vraiment. Et justement, c'est l'intérêt de Bound for Glory. On met Jeff Hardy qui est la plus grosse star, mais c'est pour mettre en avant Austin Harris. Et moi, à mon avis, Austin Harris perdra sa ceinture derrière contre Bully Ray. Je pense que c'est ce que la TNA va faire. Alors Grégory, moi il parle j'ai avec le cœur, en fait. Hein. Vous savez que c'est ce qu'il a envie de voir, en fait. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais c'est ce qu'il a envie. Non, mais moi je verrais plutôt Jeff Hardy après battu par Willie Ray justement. Ce Jeff Hardy là c'est pour lui faire plaisir, lui faire re-signer son contrat, quelque chose comme ça quoi. C'est fort possible aussi, ouais, tout à fait. C'est difficile. Moi, je vais dire Jeff Hardy aussi parce que je pense qu'ils veulent finir sur cette note. Mais c'est tout à fait possible que Austin Harris, c'est vrai que, disons que logiquement, il devrait faire gagner Austin Harris parce que justement, Austin Harris, c'est la star de demain. C'est sur lui qu'il faut construire la TNA et pas sur un Jeff Hardy qui, même si c'est le plus populaire, c'est quand même, il est quand même en fin de carrière, on va dire, quoi. C'est vrai que faut pas que ce soit les anciens qui soient mis en avant, mais c'est plutôt les nouveaux. Les anciens servent à élever les nouveaux. Exactement. Alors moi, j'ai passé mon coup de gueule habituel sur Jeff Hardy. Ah, tu l'appelles Jeff Hardy, tiens. Ça, c'est une nouveauté. Oui, le drogué, allez, si tu veux, j'appellerai le drogué pour pas changer. Il s'est toujours pas remis de ce qui s'est passé à Victory Road. Non, mais toujours pas, ouais. Non, mais je m'en remettrai jamais. C'est du foutage de gueule ce qui s'est passé l'année dernière à Victory Road. Bon, ça, c'est un éternel débat, c'est pareil. Tu sais que nous, on l'a commenté en direct, en plus. Hein. Nous, on savait pas ce qui s'est passé, on comprenait rien, donc t'imagines la panique. Hein. Oh putain, ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est quelque chose qui m'a insupporté le fait qu'il arrive comme ça, quand même complètement shooté, hein, complètement donc, shooté, c'est le mot. Tu n'es pas très chrétien, toi. Tu n'oublies pas ce qui s'est passé il y a maintenant près de 2 ans, et tu le voudras jusqu'à la fin des jours. Non, mais là, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. C'est le main event d'un pay-per-view. Il y a des gens qui ont payé pour voir ça. Ouais. Et c'est vraiment du foutage de gueule. Il aurait. Pour moi, la TNA aurait pas dû le faire revenir, enfin, du moins pas maintenant. Tu sais, tu as raison, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est sa popularité. Hein. C'est sa popularité qui fait qu'il est encore là, qui fait toute sa légitimité. La TNA l'a fait revenir. Parce que, voilà, quoi qu'on en dise, c'est Jeff Hardy qui est de très loin la star la plus populaire. Mais pourtant, j'aimais bien Jeff Hardy justement avant cet épisode. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est foutu de la gueule du monde, c'est pas possible. Et depuis, je peux plus me le voir en peinture. Hein. Est-ce que tu es straight edge comme CM Punk? Non. Au moins, oui. Pas du tout. Donc, tout est possible. Alors, tu pourrais peut-être être aussi dans le même état que Jeff Hardy un jour. Alors, non, parce que non, je ne prends pas de drogue. Je bois juste un petit peu d'alcool, c'est tout. D'accord. Ouais, un petit peu, ouais. Et tu manges de la viande. Oui, je ne suis pas végétalien. Non, mais donc, ouais, non, c'est vrai que bon, non, c'est vrai que je ne suis pas forcément non plus un grand fan de ce qu'il était pendant cette période un peu malheureuse. Maintenant, bah, je suis comme Greg. Hein, c'est moi, Jeff Hardy, je suis un fan de la première heure de 98, 99, tout ouais. Ça, enfin la grande époque, tu vois. Ouais, le vrai Jeff Hardy, quoi. Le grand Jeff Hardy. Ouais, c'est ça. Donc ça, j'oublierai jamais. Ça reste quand même. Maintenant, c'est vrai que nous, on est souvent contactés dans l'émission par des téléspectateurs qui nous écrivent des mails ou qui nous contactent. Alors, ce qui est assez marrant, en fait, c'est que Jeff Hardy, quand j'étais plus jeune, tu sais que j'avais beaucoup de contacts aussi avec des fans, mais à l'époque, c'était avant Internet, donc c'était plutôt par courrier écrit. Et genre de choses, c'était des fans qui m'écrivaient pour me dire que c'était fan de Bret Hart. Et donc, tu vois, je te parle années 90. Et ce qui est assez marrant, c'est que je m'apercevais que tous les fans de Bret Hart, c'était souvent des gars qui avaient une vision du catch assez primaire. Tu vois, c'était vraiment des bourrins, quoi, des bourrins du catch. Et j'ai remarqué que des fans de Jeff Hardy, c'est un peu similaire, quoi. Donc, il doit taper dans l'œil vraiment du fan lambda, ça qui va pas chercher plus loin que son côté, son look et son style. Ouais. Mais voilà, mais c'est tout à fait exact, mais il ne faut pas oublier que c'est une partie du public, qu'on le veuille ou non. Donc on est obligé de composer avec cette partie du public qui va s'arrêter simplement au look d'un catcheur. Et effectivement, c'est toute cette génération qui est fan de Jeff Hardy, qui était fan avant de Marilyn Manson, enfin des trucs un peu bizarres, ou du groupe là, Tokyo Hotel. Enfin, voilà, c'est le même délire en fait. Hein. C'est pour ça que quand Jeff Hardy, tu l'entends arriver, tu as toutes les filles qui hurlent. Mais voilà, il est populaire, point, il faut faire avec. C'est bien dommage d'ailleurs. Bon, après, je lui souhaite d'avoir quand même une vie saine, hein, parce que bon, c'est, même si c'est plus tellement le cas, mais c'est pas celui que je veux voir actuellement dans un ring TNA, enfin, en tout cas, pas maintenant, quoi. Sébastien, je sais pas si t'as donné ton avis sur le combat. Ben, moi, j'imagine aussi que Hardy va gagner le combat, mais en tout cas, une chose est sûre, faut que ce show se termine proprement, parce qu'en 2010, show s'est terminé par. Catastrophe. De Zay, c'était assez désagréable. C'était quoi déjà en 2000? Il s'était passé quoi il y a 2 ans déjà? Les Immortels. La formation des Immortels avec Hogan, Bishop, Jeff Hardy, Jeff Jarrett. Ah, oui. Je me rappelle. Oh mon dieu. Nul à chier. C'était une horreur. Et l'an dernier, il y avait une fin controversée aussi, puisque Kurt Angle a dommage, fait le tomber avec le pied dans les cordes, je crois. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que je disais à Seignan, les deux derniers Bound for Glory, c'était mal terminé. Et ça avait annulé la qualité du show avant le main event. Et là, justement, j'espère que, comme tu le dis, cette année, ça va bien se finir. Voilà. C'est le problème. Faut vraiment espérer ça. La TNA, quand même, un gros problème, c'est qu'ils savent pas finir leur show. Hein. ça va pas finir leur pay-per-view. Oui, ils ont franchi un palier en 2012, moi je trouve. Ils ont mieux réussi, quoi. Ouais. Parce que je me rappelle, j'avais vu, c'était l'année dernière, c'était quoi le dernier pay-per-view de l'année dernière déjà, avec ce fameux Iron Man match entre AJ Styles et Bobby Roode. Ouais, le dernier match. Mais non, ça c'était la résolution. Oui, c'est Final Resolution. Oui, voilà. C'était l'année dernière. Voilà. Je l'avais vu en live et j'étais vraiment estomaqué par la fin, quoi. On nous pond un 3-3 avec une fin vraiment pourrie, quoi. Mais alors, excuse-moi, mais pour rebondir sur ce que tu dis, il ne faut jamais que vous oubliez qu'aux États-Unis, les gens regardent Impact et qu'il y a peu de gens qui regardent les pay-per-view de la TNA. Et en fait, c'est pour ça qu'ils le font. C'est-à-dire que dans l'esprit des gars de la TNA, un pay-per-view, ce n'est pas comme un pay-per-view à la WWE. À la limite, la WWE va encore garder la plupart des scénars pour les pay-per-view et moi pour les Raw. La TNA, c'est vraiment l'inverse. On garde les scénars pour Impact et les pay-per-view, c'est juste des matchs, sans forcément de grosses évolutions au niveau des scénars. C'est dommage de ne pas récompenser justement les fans fidèles qui payent pour le produit. Alors, oui, c'est vrai. Ça, on est d'accord. Tu as tout à fait raison. Ça, on est d'accord, mais bon, malheureusement, c'est un choix qu'ils ont fait et on ne peut pas… C'est un choix marketing après, en effet. Donc prono de Verpadoro sur le match. Moi je verrais bien une petite victoire de Jeff Hardy, parce que pour terminer le plus gros show de l'année, un petit changement de titre avec une petite fin qui permet d'embrayer sur autre chose, c'est vraiment, je pense que Jeff Hardy avec son attractivité et tout ça, tout que faire perdre Austin Harris lors d'un du plus grand show de l'année, c'est pas forcément mauvais, parce qu'il a eu un bon petit run cet été, ça lui permettait de partir de la X-Division pour se faire au main event, on peut dire, de la TNA. Alors après, est-ce qu'il va réussir à y rester? Alors ça, c'est autre chose, mais en tout cas, Jeff Hardy, une valeur sûre, pour une fin de grand pay-per-view, je trouve que c'est nickel. Alors moi, ce sera pas un pronostic, mais plutôt un choix du cœur, c'est la victoire d'Austin Harris, quoi. Faut vraiment que son règne continue, parce que c'est vraiment, ça fait pas si longtemps que ça encore qu'il a pris le titre. Je pense qu'il devrait le perdre après le mois prochain contre Bully Ray, quand ils auront annoncé toute cette finale avec des deux as de 8, et j'ai pas envie de voir Hardy avec la ceinture, c'est surtout pour ça. Je suis entièrement d'accord avec ton déroulement scénaristique, Gus, ce serait le bon scénar. Bon, mais messieurs. Ah, juste une petite question, moi, pronostic. Qui serait. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre introduit en plus de Sting au Hall of Fame? Christian. Non, il ne sera pas là. Non, je crois qu'ils ont annoncé qu'il n'y aura qu'une seule personne cette année. Hein. Je crois que malheureusement, il n'y aura pas de surprise supplémentaire. D'ailleurs, le Hall of Fame se fera la veille. Elle se fera la veille, finalement. Oui, pour un week-end. Voilà. Voilà, ça a lieu la veille et à Bound for Glory, ils vont juste diffuser genre les clips de l'intronisation, quoi. Ouais, comme fait la WWE, quoi. C'est ce qu'ils ont annoncé maintenant, tout peut changer, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Hein. Oui, bah, samedi, ils font Fan Access et puis. Ouais, c'est ça. Dimanche, voilà. C'est dommage que Christian ne vienne pas, parce que moi, j'avais. Enfin, les gens avaient été assez critiques sur sa première apparition. Moi, j'avais trouvé ça sympa. Non, c'était très bien, Christian. On l'adore. On adore Christian, un de nos amis éternels. Et Christian est né le 30 novembre, comme moi, donc forcément, reste éternel. Là, moi, la TNA m'offre pour mes 20 ans un pay-per-view, j'espère qu'il sera bon quand même, hein, parce que je compte le faire en live. Sincèrement, il sera meilleur que les deux derniers. Ah, oui, mais ça sera pas difficile. Hein. Voilà, ce sera meilleur que les derniers pay-per-view WWE aussi. Ce sera meilleur que les derniers pay-per-view WWE aussi, je pense. Ça sera meilleur qu'au SummerSlam, mais je sais pas si ça sera meilleur que Night of Champions, qui avait quand même été exceptionnel. Oui, c'est vrai, Gus, tu avais pas mal marqué dessus. Ah ouais, non, j'ai marqué sur Night of Champions, surtout sur son main event qui était juste extra, quoi. Alors, bon, messieurs, je vais vous poser une question. Oui. La question qui tue. Vous connaissez le jeu de Julien Lepers, Question pour un champion? Oui. 4 à la suite. Oui, c'est ça. À la fin, il demande toujours à ses invités, à ses gagnants, s'ils veulent revenir pour le prochain numéro. Partir avec les sous aussi. Hein. Ou partir avec l'argent. Oui, ils ont le choix de partir avec de la thune, nous on n'a aucun cadeau. Donc ils nous demandent si on peut revenir un jour, c'est ça? Est-ce que vous voulez revenir, attention, je dis bien attention, pour le débrief du show qui se déroulera la semaine prochaine? Oh, ah bah écoute, faut qu'on essaye de se caler les dates. Moi, si je suis dispo, ouais, mais ça dépend vraiment de mes autres activités à côté. Hein. Comme tu l'as vu nous parler catch, nous on pourrait le faire pendant des heures et des heures, il n'y a aucun souci. C'est juste une question de timing, d'organisation, sur l'emploi du temps de ministre de M. Diz, mais normalement, il n'y a pas de problème. Exactement. D'accord. Bah écoutez, on se parlera par mail, hein. On mettra ça en place, hein. On essaiera de se mettre ça en place pour la semaine Très prochaine. bien, super. Vraiment, merci beaucoup, hein. Merci à vous. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à vous, Alors c'est sympa. n'oubliez pas le mercredi 17 octobre à 20h50 sur ma chaîne sport, Bound for Detroit. 20h30, 20h30. J'ai dit quoi? J'ai dit 20h, j'ai dit 21h30? 20h50, t'as dit 20h50, t'es resté sur les... Pardon, excusez-moi. Au pire, vous raterez... Si vous voulez pas Magnus, faut être là. Voilà. Voilà. Bon, ah ouais, soyez fidèles au rendez-vous, et si vous ne connaissez pas l'émission, n'hésitez pas à jeter un œil. Et on espère vous retrouver très bientôt, c'est clair. Ben, merci. On vous remercie aussi d'avoir créé un compte spécialement sur Skype pour être présent avec nous. Grégory. Ouais, merci, de rien, il n'y a pas de problème. Ah ouais, Grégory. Allez, c'est le moment de passer au partenaire du podcast. Bien évidemment, on va citer vos sketchs, Twitter, Facebook. Alors, nous, Twitter à tous, n'oubliez pas le Twitter de Célian, c'est @CélianVarini. Bousti, c'est Filinand. Sébastien, Ricalini67. Verpa, c'est Verpa Euro, tout simplement. N'oubliez pas donc Vincent qui est Wacho Vincent, alors moi c'est Spartacus. Et voilà, Grégory 10 n'a pas de Twitter, il me semble. Hein. Non, en effet, non. Il est sur Facebook par contre. Et voilà, après au niveau partenaire, on peut citer quoi oui, la page Facebook, qui est donc Vressos Radio officiel. Ainsi que notre page Twitter, @Vressos Radio. N'oubliez pas le hashtag Vressos Radio aussi. Qu'on puisse voir vos commentaires sur Twitter. Et iTunes, c'est archive.org. Effectivement. Et voilà, hein. Il me semble qu'on a fait le tour. Cahier du catch, ça a été dit? Ah oui, les cahiers du catch, non, effectivement. FN Lutte. Et voilà. On a des petits partenaires. Alors, si vous voulez devenir partenaire du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante, vressosradio@gmail.com. Et autre chose, vous pouvez retrouver une interview faite par Sébastien aussi sur la page Facebook de Vressos Radio d'un catcheur français, Roméo. L'actuel champion de N-Catch, on salue Norbert Feuillant d'ailleurs, qui est l'un des bookers principaux. Et donc n'hésitez pas à réagir sur n'importe quel thème, et vos réactions donc seront citées dans le podcast. Effectivement. Et voilà, c'est fini. On peut se quitter. Avec le thème de l'Hall of Famer TNA, le tout premier donc de l'histoire, Monsieur Sting. Allez, c'est parti, Brusty, c'est pour toi.